I'm not to be free to go where I need to go. No time to lose with futilities. Eh bien, bonsoir à tous nos amis de RQC et RQCN et bienvenue dans l'émission 80 à l'heure, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30, avec une émission au complet ce soir, évidemment. On va vite faire un tour de table parce que la présentation, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est le contenu de l'émission. On va commencer par celui qui nous emmène parfois au cinéma, de temps en temps, mais qui nous parle parfois aussi de films des années 80, et ça nous fait bien plaisir. C'est notre ami Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment est-ce que ça va bien? Ça va bien. Et attention les gars. 3, 2, 1. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sherlock. Joyeux anniversaire. Et Sherlock. Et on pourrait le faire en canon. Tiens. Ah, ça c'est allez, dur ça. Allez, on y va, vas-y, tu commences. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sherlock. Mais c'est nul en fait en canon parce que c'est toujours la même parole. Bah oui. Alors, si vous voulez, je vais faire avec. Alors, le truc déjà, c'est que t'es pas dans le même ton que canon. Voilà. Bah non, évidemment, je sais pas chanter. Nous n'avons jamais été dans le même ton. Et pourtant, le ton, c'est bon. On en a connu. Ça y est, le ton de l'émission est donné tout de suite. Non, mais quoi que. C'est chute. Ouais, voilà. Il y a prescription. Donc voilà, en tout cas, bon anniversaire, Sherlock, avec quelques jours de retard. Je sais que tu as fêté ça ce week-end. Oui. Et tu nous en parleras parce que t'as vécu un bel événement. Alors, pas la Boostify, on s'en fout. Hein, ni le reste. Ouais, ouais. Samedi, mais dimanche, t'as vécu quand même un petit salon bien sympa. Je me suis fait mon cadeau. Ouais, tu t'es fait ton cadeau et tu nous en parleras évidemment parce que ça en rapport un peu avec les années 80. Oui, bien sûr. Voilà, donc tu nous en parleras. Nous sommes également avec la talentueuse, la merveilleuse Flipcat. Ah, pas d'erreur. Comment ça, Flipcat? Ça casse là. Elle est belle, mais pas merveilleuse. Bon, mais pas belle. Ça dépend qui, hein. Comment ça va, mon ami? Plaît-il? Oh là là. Non, mais c'est parce que je m'attendais pas. Donc voilà, je prends des qu'acousticage. Que pavillonnage. C'est moi que vous interpellez là. Non, mais franchement, je m'y attendais pas parce que. Oui, non, mais c'était comme t'embêter, évidemment. Mais que pavillonnage. Chronique ce soir. Ah oui, absolument, on revient. Alors, n'en dis pas trop, mais tu vas nous parler d'une radio mythique. Oui. Voilà, qui a disparu et qui est revenue. Et qui reviendrait. Et qui reviendrait. Alors, d'une certaine manière, elle existe toujours sur le web. De temps à autre, sur de courtes périodes d'émissions, pour des émissions bien spéciales, toujours sur les fréquences en AM. Ouais. Et donc, il était annoncé officiellement. N'en dis pas plus. Oui, voilà. N'en dis pas plus. On sait que c'était les précurseurs de la radio pirate. Voilà. Ah. Et, oui, moi, tu dois connaître, évidemment, Canon. Eh ben tiens, Canon. Radio pirate, c'était dans les mondes engloutis, ça. Bon, d'accord. J'ai passé le bravo. Je cherchais. Bon, on va rien dire, c'était son anniversaire, donc on va le laisser dire. Ouais, si on va être indulgent. Ah oui, j'ai pris une dizaine de plus, alors je deviens Céline. Hein, Non, dis pas que t'as 40 ans maintenant. Ah si. Bah si. 40 ans, c'est vrai. Il lui fait bon anniversaire, il connaît même pas son âge. Ah non, mais moi j'aurais donné 39. Ah, c'est ça, à un an près, ouais. Ah, moi, ça fait une dizaine d'années, je lui donne 40, mais il les a enfin. Canon, bah, tu as la parole, tu la gardes, évidemment. Bonsoir. Je suis en deuil. Pourquoi? Roger Moore. Oui. Oui, absolument. 80 ans. Brett Sinclair qui nous a quitté aujourd'hui. Simon Templar. Ouais, absolument. Et puis, évidemment, James Bond. James Bond. Combien de James Bond il a fait? 16, je crois. Exactement. Ouais. Ouais, 7 James Bond. Non, mais je suis vraiment en deuil. Ah ouais. Ah ouais, ça m'a touché, comme si un jour Clint Eastwood disparaît. On a tous été gamins, je me suis identifié parfois à des personnages chez Clint Eastwood et Roger Moore, et là, le saint surtout, hein, c'est pas dans les Jazz Monde. Oh, ça m'étonne pas de toi. Non. je croyais qu'il allait avoir les saints d'eux, mais ça a été fait Amélie avec les abeilles. Non, les c'est vrai. Donc, non, mais c'est vrai, j'ai appris ça en roulant tout à l'heure pour venir à l'émission, et ça m'a rendu triste. C'est vrai. Parce c'est que, vrai. Voilà. Ah, merci. Figure emblématique, évidemment. Amicalement vôtre. Oui, aussi. Avec Tony Curtis qui nous a quittés aussi. Aussi, oui, absolument. Et Lord, Lord Brett Sinclair, c'était Michael Morbot. Ouais. Ouais. Ouais. C'est ça. Et lui. Simon Templar, c'était le saint. Ouais. Ouais. Et alors, donc, Roger Moore faisait le rôle de Sinclair. De Sinclair. Ouais, Brett ouais. Sinclair. Et l'autre, donc, Tony Curtis, c'était. Oh, attends, je peux dire. Ah ouais, tiens, bonne question. C'est une monstruosité à jouer au piano, ça, j'oublie. Ouais, je suis en train de réfléchir. J'ai essayé depuis 10 ans. Parce que c'est tout un arpège monstrueux de piano, c'est infaisable. Je vais te le dire, c'est Brett Sinclair et Danny Wilde. Et Danny Wilde. Merci. Ah bah oui, mais j'étais un passionné. Moi j'adorais ça aussi. J'adorais ça aussi. Et puis on va terminer par le gâteau sur la cerise. La crème. Vanessa qui est avec nous. Bonsoir. La crème sur l'abricot. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Tu nous as préparé quelque chose ce soir? Non. Non. Je suis juste venue. Alors, il paraît que t'as un rire agricole, c'est ce que j'ai entendu dire. Attends, entre je vais l'enculer. La chamelle de la semaine passée et l'agricole. Oui, de... ben, après, c'est la première. C'était la première émission de L'amour est dans le pré, donc ça va, on est d'actualité. Là. Ouais, c'était pour ça. Oui. Et donc, ça reste d'actualité en fait. Hein. Oui, c'est vrai, la grosse vache. Bah, non, non, le rire agricole. Non, non, j'ai pas dit ça. Le rire agricole. Ah, bah alors, je te préviens. Pourquoi c'est d'actualité? Explique-toi là, parce que j'ai pas compris. Bon, c'est un rire particulier, quoi. C'est... Non, pourquoi c'est d'actualité? Ben moi, je fais pas la gueule, moi. Ça y est, pour se mais non, tout à l'heure, on parlait de ferme, de tout ça, des animaux de la ferme. Oui, mais c'était hors antenne. Oui, c'est hors antenne. Donc, je suis pas sûr que les auditeurs vont mais comprendre. Mais non, ben, voilà, maintenant, il faut tout expliquer. Non, ouais, c'est, non, bien sûr. C'est juste que Flipcat a vu quelques mouches dans le studio, il a essayé de les chasser d'un coup de queue, bon, ça a pas fonctionné. Il y en a quand même que les deux. Et... En tout cas, on y sait à une bouche, on a tous envie d'être un micro. Bonsoir, Harry. Comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va, moi aussi, j'ai un petit. Bah, j'ai quelques petites actualités. Je vais vous parler évidemment du défilé de mode qui a eu lieu ce week-end. Oui. J'ai eu le plaisir donc de le présenter avec Bay Séverine qu'on avait reçu donc la semaine dernière. Très agréable. Donc un défilé de mode qui a bien fonctionné, ma foi. Très sympathique, donc je vous en toucherai quelques mots. Je vous parlerai aussi également de Sarah Le Thor, puisque vous avez entendu en préambule le jingle de Sarah Le Thor avec le titre No Limit. Mais elle vient de sortir donc son dernier album qui s'intitule donc Again, plus donc un EP. Dans lequel elle interprète 5 titres, ben, je vous en parlerai, je vous en toucherai quelques mots, évidemment, puisque Sarah Le Thor était venue. Alors, elle me rappelait que c'était une des premières radios où elle était venue sur RQC. Ouais. Et encore une fois, je le répète, la vidéo qui avait été faite à l'époque a été vue plus de 6000 fois. C'est énorme. Ouais, ouais, c'est énorme. Ouais. Qu'en général, c'est vu 3-4 fois quand on passe. Non, je ouais, en fait, il y a tous ceux de l'équipe qui ouais, la regardent. Ouais, ouais. Voilà. Là où t'as le mec sur Google qui se regarde en boucle 100 fois, et il a fait dire oh, j'ai quand même 100 vues. Donc voilà, et ben, donc on aura plein de belles choses à dire. Je parlerai, évidemment. Je oui, parlerai aussi d'un tournage que tout le monde connaît, c'est 4 galères et une lune de fiel. 4 mariages et une lune absolument, de miel. Absolument, tu vas nous parler. J'ai eu la coulisses. Chance d'y assister, je vous parlerai voilà. Un petit peu des coulisses, c'était super voilà. Sympa. Et puis on fera aussi un petit clin d'œil à Fantine Arduin. Oui. Ah oui, on va en parler. N'oublions pas Fantine Arduin qui elle est monte, en train de monter les escaliers donc, du Festival de Cannes. Ouais. Et d'ailleurs, on voit là actuellement là, une photo sur son profil où elle fait une photo avec Will Smith, rien que ça. Tant qu'à faire. Une petite moucronoise, vraiment géniale. On lui tire son chapeau. Et puis, évidemment, n'oublions pas les sorties Cinoche. Oui, bien sûr. Et puis, le rétro ciné 80. Oui. Tu vas nous coller cette année? J'espère. Ce soir, cette année. Bah, cette année, j'espère. Non, mais quelle année, là? 82. Ah, bien. C'est la dernière année où il nous a collé. 82. Je me souviens. Et bon, on va continuer en musique. Oui. Alors, bah, avec une petite chanson, enfin, petite dédicace pour Flipcat. Ouais. Ah, je sens le pire, là. Ottawan avec Théoké. Théoké, t'es batte. Il a l'air enthousiaste, voilà. Je Flipcat. Une petite passoire, comme ça me fait plaisir. On vient pas, je suis. Ouais, une petite blague, c'est rare, qui m'a fait rire en parlant des dates, justement. C'est monsieur et madame, j'étais en Vrance en 42. Ont un fils, comment vont-ils l'appeler? Répète, j'ai. J'étais en Vrance en 42. Je sais pas. Gédéon. J'étais en France en 42. Voilà, vas-y, on va au Taïwan. Ouais, on va au Taïwan. Ouais. Ça m'a fait rire. Ok, donc au Taïwan avec Théo, ok. Et toi le quarantenaire, ta gueule. Et après, donc, on viendra avec Téléphone avec un autre monde. Oh, oui. Eh bah écoute, c'est très bien. Allez, c'est parti. On y va. Les horizons du monde, c'est ça, hein? Les ombres. Ah, les ombres. Ah ouais, excuse-moi. Non, c'était pas loin. Ah, j'étais pas loin. Ah, la chamelle a braillé. Comment on dit? Ça fait quoi? Ça blatère. Ça blatère. Oui, ça blatère, ouais. Elle a tendance à couiner aussi de temps en temps. Ça mélange les deux. Ah, ouais, ça c'est ça, en plastique. Ça y est, vous êtes aussi majeur. Ah, ouais, toi aussi, tu sais qu'elle cuine. Bon, et on en parlait justement dans le sommaire. Bon, Canon, évidemment. Alors, on l'a récupéré de très loin, hein, parce que ça faisait quelques semaines qu'on pouvait plus l'avoir, parce que monsieur, il avait des... Et on peut comprendre, évidemment, pas mal de contrats, photographes, chanteurs, et il a tout à fait raison. Et là, il s'est retrouvé quand même dans un... dans une situation assez... extraordinaire, puisque donc tu as chanté, oui, dans le cadre d'un mariage, oui, mais pas n'importe quel mariage, puisque, alors raconte-nous un peu. En fait, c'est une production de TF1 qui s'appelle 4 mariages pour une lune de miel, ouais, hein, qui passe régulièrement. Ça sera porté sur les écrans cette session le 4 septembre, sauf erreur. Mm-hmm. Donc après, là, ça peut être déprogrammé d'une semaine. Hein. Et on va t'y voir. Ah oui, oui, absolument. Ouais. Mais bon, on va voir surtout les mariés. Montage. Non, j'étais contacté parce que quelqu'un m'avait vu en soirée, avait apprécié deux chansons et avait dit, est-ce que tu peux les chanter? You are the one for me. Donc, non, de très belles chansons. Et puis, m'avait demandé derrière... m'avait demandé derrière, en fait, de savoir si je pouvais chanter. Je lui avais dit oui, avec plaisir, quoi. Donc ça s'est passé au domaine, à la ferme de Bouchenny, tout près de, je vais savoir le dire, ça me reviendra après, tout près de Tournai, pas très loin de Tournai. Ouais. Donc voilà, mariage au château d'Édimbourg, ça a été filmé là-bas, vin d'honneur là-bas, donc c'était super sympa. Et au château d'Édimbourg, directement. Donc au château d'Édimbourg. Avec le petit pont-levis là. Ah oui, absolument, très beau site. Ah ouais, magnifique. Très beau site. Et moi je connaissais en tant que photographe, et puis après au domaine de Bouchenny, je connaissais pas, qui est magnifique, formidable aussi. Vraiment un joli site. J'espère pouvoir faire un mariage une fois en tant que photographe là-bas, parce que c'est très beau. Deux mariés. Et puis voilà, pardon. Et n'élude pas la question, tu peux te marier aussi. T'es encore l'âge de te marier, hein. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est bah, sûr. On se marie à n'importe quel âge, mais non. Et donc, vous arrivez là, et c'est quand même une sacrée organisation. 24 techniciens, 4 caméras, comme vous les voyez, là, les caméras portées avec le gars qui tient derrière son matériel, les perchistes, tout ça. Donc, il y avait les 3, candidate qui était là à ce mariage pour le noter, et puis les mariés, évidemment. Donc ça laisse quand même le mariage libre, on peut pas dire. Maintenant, c'est pas casté, mais c'est sûr qu'il y a une organisation, on va le dire comme ça, il y a une organisation qui est assez phénoménale. Est-ce que c'est scénarisé un peu quelque part? Alors, est-ce qu'à un moment on leur dit pas tiens, non, à ce moment-là, non, il non, y sincèrement, allez, on dit pas aux mariés soit comme ça, ça c'est quelqu'un dirait ça, non, absolument, et ça je l'ai bien vu. Par contre, on leur dit l'entrée sera plutôt comme ça, est-ce que ça pourrait être un peu comme ça, les gens qui auraient tendance à danser, c'est vrai que moi par exemple dans mon set j'ai mis une chanson très très festive de Depeche Mode pour faire venir les gens, auquel on expliquait que pour ce mariage-là, ça serait sympa parce que c'était pas le moment de la soirée, j'ai fait quand même l'ouverture du bal à 19h. Vous voyez, il y a des choses décalées, mais non, c'est qu'après le montage, les ouvertures sont décalées. C'est-à-dire, c'est, par exemple, quand tu vas te filmer après en train de... Attends, excuse-moi, mais si je comprends bien, c'est-à-dire que on fait des répétitions, quoi, en fait, en gros. Pas vraiment, mais il y a des prises de vue et on recommence. Oui, il y a certaines prises de vue qui sont faites, évidemment, en disant, voilà, ça va être chiant, ça, pour les mariages. Donc voilà, moi, à un moment, l'entrée... C'est le but du jeu. Moi, l'entrée, on m'a envoyé trop de fumée, mais on savait qu'après, il n'y en aurait plus, donc c'était plus cohérent avec le chose. Donc le gars qui est derrière, par contre, assez phénoménal, le mec a 30 ans, et il fait un script, hein, il sait exactement ce qui se passe, les objets à table, de dire, non, mais parce que le mec avant n'était pas là, moi, à un moment, je fume ma cigarette électronique vite fait derrière, il me dit, ça te dérange pas, on est hors champ, j'ai mis une ligne orange pour montrer tout ce qui était hors champ et en champ, donc je me suis mis en champ sans ma cigarette. Et donc, mais c'était une très très bonne expérience, ils sont très très compétents. Derrière, il y a une régie monstrueuse avec 12 écrans où ils coupent en direct, machin, ils se parlent entre eux, les oreillettes. Et j'avais envoyé une photo sur Facebook où on voit rien, mais il y a 3 caméramans sur les 3 candidates avec une personne qui pose les questions, avec un prompteur, non pas pour leur donner les réponses, mais savoir un peu la question qui va arriver. Et par contre, pour terminer à la fin, c'est pas un secret, les gens qui vont se retrouver, les mariés, devant le prompteur, vous les voyez au fur et à mesure de 2-3 émissions, en train de se dire, ah bah oui, là, et donc vous voyez les mariés avec des tenues différentes, normal, il y a des jours différents. Non, absolument pas, c'est fait en 2 heures et ils changent de tenue. Est-ce que je veux dire, bien sûr. Au moins, t'as vu tout le. Bien sûr. Bah, comme, je vais vous dire un truc, moi qui suis agent immobilier. Comme Plaza, par exemple, qui à chaque fois réagit en disant, mais là, Ludo, tu n'aurais pas dû dire ça sur cet appartement. C'est impossible que les gens ne disent pas à un moment que la douche sera trop petite. Bah oui, parce qu'il a vu la vidéo avant et ils lui font après le montage. Et ouais. Donc, lui fait son montage pour être évidemment le sachant et le mec compétent puisque c'est l'animateur. C'est du cinéma. Faut alors, pas oublier. Moi, une grosse question. Alors, je me suis jamais marié, mais on peut poser la question à Sherlock, on peut te poser la question à Canon, tu t'es marié. Onissa, tu t'es marié. Flip Cap, je sais pas. Oui, t'as été marié aussi, mais évidemment. Oui. C'est un mariage arrangé. Est-ce que tu imagines un jour comme ça être suivi par une équipe de tournage pendant un mariage? Il y a un moment où on ça doit clocher, moi. Quoi. On te l'a proposé? Ouais, on me l'a proposé. Il y a TF1, enfin les équipes de 4 mariages pour une lune de miel. Et pourquoi t'as refusé? Parce que j'avais pas envie d'étaler ma vie devant les caméras. Ouais. Et de bah, deux. C'est pas ta vie, c'est juste ton mariage. Hein, ouais, mais quand même. Hein. Et de deux, j'avais pas envie d'être jugé. C'est un jour que je voulais passer bien et pas me dire, quelle note. Excusez-moi du terme, mais quelle note l'autre salope va me donner parce qu'elle va dire, oh, j'ai adoré ta robe. Et puis après. Derrière, elle va mettre un 4 à ma femme parce que en fait, elle a pas aimé du tout. Clair. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et ils ont beau dire que parce que nous, on a dit ouais, mais y en a qui cherchent qu'à gagner en mettant des sales notes. Non, c'est fini, ça se passe plus comme ça. Et je vois encore les émissions qui passent maintenant. Il y en a encore qui le font. Donc c'est clair. Voilà. Moi, si je peux pas être moi-même, s'il faut, non, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Ah, bah si, t'es toi-même. Ah, ouais, non, mais tu peux être toi-même. Mais, moi, j'estime que si je dois juger, par exemple, la robe, une robe de mariée, tu mets pas en dessous de 10, ne serait-ce que par respect pour la personne qui l'a. Après, c'est le jeu, ouais. Mais déjà, je mettrais pas une note, ne serait-ce qu'à la robe, en dessous de 10. Parce que c'est la robe que la femme a choisie, c'est important. Et puis c'est important pour elle. Je suis d'accord. Après, pour un repas, je peux être d'accord que le repas soit pas bon, qu'il soit pas au goût de tout le monde. Mais pour une robe, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est elle qui l'a choisie. Elle a mis du temps à le choisir. C'est quelque chose qui lui plaît à elle en premier et qu'elle pense que ça va faire plaisir aussi à son mari de la voir dans cette robe. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je trouve que. Tu peux pas juger la robe, je pense. Ah non, mais c'est après, là, oui, tu juges tout. Mais oui, mais c'est ça le problème. Mais c'est subjectif et ça j'aime pas parce que combien de fois on voit, enfin ça m'amusait de le regarder de temps en temps où tu vois la meuf qui danse les démons de minuit et j'en passe des meilleurs, elle passe une super bonne soirée, on voit qu'elle s'éclate pendant toute la nuit et puis dès qu'elle est dans sa petite cabine pour parler, au niveau ambiance, je vais mettre 3 sur 10. C'est ça, attends, le problème c'est que j'ai jamais compris, mais c'est le but parce que c'est de la démagogie. Ce qu'ils veulent, c'est justement les gens s'affronter. Si c'est trop consensuel, ça leur plaît pas. C'est que logiquement, ils devraient avoir tous les gens voient le mariage filmé de la même façon, et après, c'est un public indépendant qui sent commencer à juger la robe. Je suis d'accord, ou tout ça, mais note générale, globale, mais c'est pas le but de l'émission. C'est que les gens se déchirent, c'est de voir, ouais, mais regarde celle-là, etc. Ils adorent ça. Dès qu'il y a des larmes, dès qu'il y en a un, mais ouais, mais j'ai voulu marier, tout ça, avec la perte de mon enfant, ça arrive. Bon, là, c'est quelque chose de terrible, mais c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce que ça vient faire là, mais les gens se jettent dessus avec la caméra. Mais par contre, c'est un peu impressionnant. Semble la jouer, vous savez que habitude de la scène, je suis vraiment pas inquiet, j'étais complètement détendu et tout ça, mais c'est vrai que les prises de vue, les caméras, les machins, au moment chanté, j'avais du mal à me mettre dedans parce que ça s'est très bien passé, mais j'avais du mal à me mettre dedans parce que t'as 7 mecs barbés autour de toi avec le caméraman, le perchiste, le machin, avec l'autre qui passe avec sa caméra, et toi t'essayes de fixer un point l'horizon, tu sais comment ça se passe, un point, un moment, regarder les gens, les fixer, mais tu peux pas, quoi, donc tu chantes dans ta bulle d'un mètre 50 avec tous les gens autour de toi, et c'est un peu compliqué, ouais, à un moment j'ai, enfin, perdu pied, non, mais c'est un peu compliqué, je dis, l'homme, regarde devant et fait. À la limite, j'ai commencé un peu à briller, à jouer avec la caméra, parce que sans me mettre en vedette, mais je regardais devant et je me dis, il y aura des prises de vue de 1 seconde 5 qui vont couper. On va me voir certainement 17 secondes, montre en main, si j'ai de la chance. Mais je veux dire, c'est ce qui fait l'ambiance. Ouais. Et d'un autre côté, c'était sympa. Par contre, moi, ce que je trouve dégueulasse, peut-être pour clôturer le débat, puisqu'on n'est pas là de 4 mariages et un enterrement. C'est ce que j'ai sorti au mec. J'ai mes 4 mariages et un enterrement. Pourquoi vous avez pris le nom d'un film? Il dit c'est une lune de miel. Ce que je trouve totalement injuste, en ayant vu l'émission quelques fois, parce qu'elle m'a amusé, c'est vrai qu'elle amuse cette émission, c'est qu'au début ils te disent voilà, tel mariage, budget 3000, l'autre 28000. Oui, je suis d'accord. On peut juger forcément les gens qui ont investi 3000 euros dans leur mariage et ceux qui ont investi 28 000 euros, c'est forcément pas le même mariage. Oui. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Château des Namours, parlons-en, c'est ici. Quelqu'un qui sait faire et qui a les moyens, le photographe, et que les gens filment avec un beau coucher de soleil et qui fait les choses, et que derrière, t'as la super salle de bal d'Hélène Segarra avec les chandeliers massifs et tout ça, que t'aimes ou pas, il est certain que ça sera plus prestigieux que c'est quelqu'un sûr. Qui essaye de faire lui-même dans la petite salle de chez la fanfare cycliste des Mères Chrétiennes. Bien sûr. Et c'est vrai que je suis d'accord que d'entrée, ils peuvent pas gagner, c'est pas le même niveau. Mais c'est un peu le principe du jeu, je crois qu'ils sont là aussi, hein, pour créer un peu des distorsions entre chacun, ouais. Et des petites bagarres. Oui, évidemment. Je suis pas fan de tout ça. Non, enfin, si, mais après, moi je trouve dommage, c'est les gens qui acceptent de le faire. Voilà. C'est tout. Bah mais après, non, parce que regarde, quand tu fais ton mariage comme ça, après regarde quand ils ont le fameux vendredi où ils débattent tout là, et c'est horrible. Les nanas elles pleurent, quels souvenirs elles vont garder de leur mariage quoi. C'est ça. Bah l'émission. Non, l'émission. Tu sais, tu gardes le goût amer de, alors que ça doit être le plus beau jour de ta, moi je parle en tant que femme. Hein. Bien sûr. Le plus beau jour de ta vie quoi. Moi je me suis mariée il y a presque 30 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais pas avec tous ces trucs. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis bien moi, je trouve que c'est dommage, quoi, parce que. Donc voilà, bah, donc on aura l'occasion, donc, mais on en reparlera d'ici le 4 septembre. Ah, oui, ouais, septembre voilà, ouais. Tout le monde nous dit pourquoi, bah, parce que tout simplement, vous savez comme moi, d'ici un mois, le temps des montages, on va avoir que du différé sur toutes les émissions. Oui, ils c'est rachètent ça, tout droit, c'est-à-dire ils sont en train d'engranger les choses pour pouvoir donner de la nouveauté, de nouvelles émissions et tout ça. Donc, et ben, on aura hâte de te voir. J'aimerais bien voir, ça va être rigolo. C'est sympa. J'ai pris mon pied à participer. Voilà. On aura aussi, tiens justement, j'ouvre encore une autre parenthèse qui va être très rapide, mais on a eu deux personnes qui étaient venues nous voir il y a quelques temps, c'est Katiana et Grégory, qui font partie de l'élection de Miss Waterloo et qui vont passer aux Amours. Ils passent aux Amours, donc le 31 mai. C'est tout proche. Voilà, donc ils ont passé aussi un très très bon moment avec Tex. Je ne vous donne pas le résultat, mais non. En tout cas, ils ont passé un très très bon moment. Eux aussi se sont essayés à la télé, émission de télé, télé-réalité, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà. Moi, je ferai les Amours par avec contre, Onissa. Ouais. Par contre, je vous le dis, hein, faites-le, parce qu'une chose aussi qui est bien, c'est qu'on vous demande de vous signer des droits d'auteur, mais je vous le dis, pour tous ceux qui veulent passer dans des émissions, soyez patients. Inscrivez-vous à tout, et à chaque fois, on va vous demander si vous avez déjà participé à une émission. Et en fait, le TF1 est en relation avec tout le monde. Si t'as été bien perçu, n'oubliez pas les paroles, ou même d'M6, où c'est un truc, une base générale, bah, en fait, à un moment, t'es noté sur ton physique, ton empathie, ton truc et tout ça, et vous avez de plus en plus de chances de passer, faut le savoir. Parce que être représentatif dans ces émissions, être bien perçu, c'est que ben voilà, il note, hein, il présente bien, il chante bien, il est sympa, il y a de l'addiction. Sherlock, a... Bachelor. Moi, je te vois bien faire le Bachelor. Non, mais j'ai déjà assisté à plusieurs émissions, moi, sur TF1 notamment. Moi, je suis moi aussi. L'île de la Tentation, ça, j'aurais bien fait. C'est vrai. Oh là là. J'aurais résisté. 30 une heure. Secondes. Ah non, une heure pendant le vol. Ah, ils dorment toujours pendant le vol. Ça serait même pas pendant l'émission, c'est pendant le voyage. Ça dépend si l'hôtesse vous demande du péril ou pas. Il met un pied là-bas. Fifi ! Et le garçon ! Bon, allez, tu vas nous remettre un petit peu d'honneur dans cette émission, mon ami Sherlock, avec un peu de musique. C'est ça, avec François Feldman et Janis Jamison. Tu vas nous mettre un peu d'honneur avec de la musique, avec François Feldman. Alors, comment tu vas nous mettre si, mais c'est son anniversaire aujourd'hui à François Feldman. Ah, oui. Bah, bon anniversaire à François. Roger Moore ne pouvant plus chanter. Oh, non. T'as les nouvelles, j'ai entendu qu'il était décédé. Oui. Donc il va pas bien, quoi. Non. Et ensuite, on reviendra avec Boule Noire. Ah oui, parlez. Aimer d'amour. Et puis juste après, évidemment, on embraye avec le rétro ciné 80. Wow, on a un petit peu de temps quand même. Alors c'est 21h, t'as raison. Et les trucs qui nous font chier, on peut les reculer. Hein. Mais je pourrais vous parler de ce qui m'est, de ce que j'ai fait ce week-end. Non, parce que 8h30, en fait, c'est Flipkat. Non, normalement 8h30, c'est Canon. 21h30. Ouais, mais je peux vous parler de l'actualité, j'ai des trucs. Non, mais écoutez, moi je vous parlerai d'une chanteuse que j'adore et que vous allez forcément adorer, que certains d'entre vous connaissent. Je vous parlerai de Sarah Le Thor juste après la coupure musicale. Ça ok, allez, bah c'est parti alors. Faire danser, bouger. soleil sera. Tu peux me faire sourire, éclater de rire, rêver dans tes bras. Mais je pars, pas avec moi. Quand l'amour s'applique en bas, je pars comme ça. Bonjour, c'est Sabine Paturet et vous êtes sur RQC et c'est 80 à l'heure. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Craven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Ah, Sabine Paturel que j'adore. Alors, il faut avouer quand même que Sabine Paturel a une actualité puisqu'elle a un nouvel album, hein, Je me fous de tout. Oui. Un titre qu'on a aussi. Un nouveau single. Qu'on a, qu'on pourrait aussi passer parce qu'évidemment, autant vous dire qu'elle en a un peu marre de cette chanson. Écoute bien. Ouais. Bonjour. Voilà, vous êtes sur Radio RQC, c'est Sabine Paturel et vous allez écouter mon nouveau single Je me fous de tout. J'adore. On dirait Jean-Michel Jarre. Attention, ça a dansé. De tout et je fous tout en l'air. Ça change je le style. Ouais, complètement. La basse que vous entendez, c'est un Moog. Ça nous a manqué. Tu sais que c'est voulu. Mais c'est le mec qui a fait ça, c'est voulu. Ce que vous entendez, ça vous rappelle du Jean-Michel Jarre, ça vous rappelle la basse des années 80. Remets dès le début. Attends. Regarde, remets dès le début. Faut que je remette. Je vais te faire tan tan tan tan tan tan tan tan. Je t'assure, hein, c'est exactement le même. Ah, certainement, bonjour, ouais. C'est Sabine Paturel. Vous écoutez mon dernier single, Je me fous de tout, et vous êtes sur RQC, et c'est 80 à l'heure. Exactement. C'est un arpégiateur qui est venu d'un Jupiter et qui a été joué par un Moog. Mais c'est incroyable, ils te remettent un truc que tu connais, qui évoque chez toi des tan tan, tan tan, nanana, c'est. Bravo! Un chef-d'œuvre. Bah oui, bon, elle ressort évidemment son single. On la retrouve aussi sur le plateau de Top 50, hein, oui, qui tourne encore. Top 50, ouais. Je pense que d'ailleurs, ils sont repassés il n'y a pas très longtemps sur l'île, ou alors je confonds peut-être avec. C'est Star 80 qui est passé. Star 80, il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, donc, bah, on salue Sabine Paturel avec qui on a eu un très très bon contact. Et, oui. Très belle artiste et très très humble. Très humble. Humble. Très humble. Très humble. Très humble. Et moi j'adore. Et bah tiens, en parlant d'artistes très humbles, ce samedi soir, j'ai eu l'occasion donc d'assister au concert de Sarah Le Thor. Alors Sarah Le Thor, on l'avait reçue en 2009. Ouf. En 2009, oui, avec la sortie de son album qui s'intitulait A Love So Great. Donc c'est une chanson plutôt, on va dire, on va pas dire liturgique, mais c'est du gospel. C'est du gospel. Et bah, la petite Sarah Le Thor a bien grandi. Ah, oui. Bah, ouais, je sais bien, non, mais tu le dis bien, et d'un autre côté, c'est vrai, gospel. Il y en a qui dit gospel. Il y en a qui dit gospel. Quand tu dis gospel, ça choque à l'oreille. Voilà. Surtout qu'on dit God ici. Non. Moi, je suis partisan de gospel. Après, puisque c'est un peu ça, c'est l'appel à Dieu. Donc, voilà, donc, effectivement. Et donc, elle a bien grandi depuis. On a eu l'occasion donc de la voir en interview donc samedi soir, en sachant qu'elle était vraiment fatiguée. Elle fait de longues tournées. Et elle est venue donc. Sur Moucron, dans le cadre donc du festival donc de l'Institut Fête Montfort, de ouais, voilà, et un festival qui je ne connaissais pas. Et il y a une ambiance du tonnerre avec des podiums énormes. Plusieurs groupes se sont succédés, notamment le Hot Street Band, oui, qu'on avait déjà reçu dans les studios de la radio, pas dans notre émission, mais en tout cas qui était venu jouer au bar il y a quelques années. Et là, Sarah Le Thor, en prenant contact avec elle, nous a dit « Mais oui, RQC, ah oui, mais venez, n'hésitez pas. » Donc, elle a changé un peu d'univers. On est un peu moins Godspell. Moi, ce que je vous propose, évidemment, c'est d'écouter son dernier album que vous pouvez vous procurer. Hein, vous tapez Sarah Le Thor, donc LETOR.com, et là vous allez pouvoir retrouver son actualité et ses CD. Et je vous propose donc d'écouter. Alors, justement, on l'a écouté tout à l'heure, mais ouais. Si tu veux bien, Sherlock, toi qui es le chef d'orchestre de notre émission, de nous passer Nos Limites. Et derrière, un titre qu'elle affectionne tout particulièrement, c'est Beyond. Et vous allez voir un peu les deux mondes différents. avec la même voix, évidemment. Il y a un côté plus jazzy, un petit côté Amy Winehouse, et après un petit côté plus allez, Adele. Adele, ouais. Un peu Adele. Donc si, si vous êtes d'accord, on va s'écouter donc No Limits et ensuite No Beyond. Alors No Limits est dans son album qui s'intitule Again, donc le deuxième album, et ensuite bah, Beyond fait partie d'un, d'un EP. Qu'elle a sorti. C'est quoi un EP? Alors un EP, bah, c'est un mini-album. Ouais. C'est un mini-album. Avec 4 pistes. Ah ouais, 4-5 pistes. Voilà. C'était ce qu'on appelait en vie la maxi. Ouais. Maxi 5 pistes. Ah ouais, c'est ça, plutôt voilà. 3, 4. Et c'est ça, y en absolument, y en absolument. Que veut dire Beyond? Derrière. Non, pas Beyond. Je crois que c'est à travers, non? Beyond en avant, pardon. C'est Beyond, c'est en avant. Un stand Beyond, c'est en avant. Ah d'accord, on l'utilise Beyond. Beyond, derrière, Beyond en avant. D'accord. Ah moi je fais c'est à travers. Je sais pas pourquoi, mais enfin, qu'importe, on va découvrir ça. Oui, c'est dans ce sens-là, c'est en avant, dans le sens en avant, en travers. Aller, c'est se projeter, c'est... D'accord. Donc voilà, donc Sarah Le Thor, retenez bien ce nom-là, elle n'est pas contre du tout à venir dans les studios. Alors, ce qu'elle adore, c'est le live, évidemment. Mm-hmm. Alors, elle est entourée de musiciens hors pair, je peux vous le dire, il y a un bassiste, mais alors énorme. Le percussionniste qui est au passage son mari, Hervé, extra. À la batterie, c'est extra, fait des solos, mais alors, qui promettent. Donc, on va s'écouter ça. Donc, Sarah Le Thor avec donc, No Limits. No Limits. Donc, qui est tiré donc, de son dernier album. Pardon. Oui, non, c'est parce que je voulais te laisser. Oui, tu parlais aussi d'Adèle, qui a fait aussi une belle carrière. Là. Elle a gagné du fric, Adèle. Hein. Ouais, c'est ça, et puis elle est morte, Adèle aussi. Oui, oui. C'est pour ça qu'on la cite, Adèle. Allez, Sarah Le Thor avec No Limits, et juste derrière Beyond, et vous m'en donnerez des nouvelles. Évidemment. Allez, c'est parti. Go where I need to go. trigger so vain. More I don't care, the more I become police. Sometimes I'd rather be someone else, not always fighting with the same pains. Being at peace with myself is the key to the door. From paradise, I know pride always comes before a fall. Try to hide my weaknesses without knowing they were my strengths, 'cause it's when I am weak that I am strong. Salut, c'est Sarah Lothor et vous écoutez I Love So Great sur RQC 95 FM. Ça change quand même. Eh oui! Quand on entend Beyond, même No Limit. Et ah oui, on passe d'un monde à un autre et c'est excellent. Alors, on lui avait réclamé Love So Great lors du concert et bon, elle avait des petits problèmes de voix, donc extinction de voix, donc c'était un peu compliqué. Et j'ai pas pu m'empêcher un moment quand on était à la pendant le concert, j'étais tellement pris dans le concert qu'à un moment j'ai crié, j'ai fait No Limit. Elle fait oui, d'accord, je vais vous le faire, No Limit. Mais en fait, effectivement, mais c'est un peu comme tous les phénomènes. Quand vous écoutez un album, ok, vous faites une première idée de l'artiste, mais quand vous le voyez sur scène, c'est complètement différent, la dimension est différente, ouais. Le son, la qualité du son, les musiciens. Là, il y avait un bassiste, il y avait un batteur, Hervé en l'occurrence, qui est un merveilleux batteur, et Sarah Lothor qui ne gâche rien, est très jolie, très mignonne, mais en plus chante merveilleusement bien. Et honnêtement, moi j'ai hâte d'aller la voir dans une vraie salle de concert, parce que là c'était sous chapiteau. Oui, bon, ça valait ce que ça valait, hein, oui, attention. Ouais. Ils avaient déployé quand même les gros moyens, il y avait du bon son. Oui, c'est ça, il faut voir voilà, le son. Il y avait du bon son, mais bon, c'est l'ambiance festival où tout le monde boit un verre, on n'écoute pas forcément, on n'est pas concentré forcément sur la chanteuse. Moi j'ai hâte de la voir, on ne désespère pas de la faire venir sur Waterloo, parce que j'ai mis en contact évidemment, pour qu'on la voit sur un petit minimum la boîte à musique à Waterloo, ça lui irait merveilleusement bien, voir peut-être le CSE, qui sait. Ça serait plus judicieux. Ah, le CSE, oui. Après, Sarah Le Thor n'est pas forcément connue en France, donc pas encore. Mais, bah, tout dépend de la promo, oui, voilà, quand on entend sa voix. Oui, absolument. Ah. Ouais. Et elle a tout un jeu de scène, elle est... ben voilà, enfin, je suis tombé amoureux de Sarah Le Thor. Et sous le charme. Je suis sous le charme de Sarah Le Thor. Attention, le tortue. Hein, le tortue. C'est ça, ouais. C'est pas vrai. Allez, à toi de jouer, mon ami Sherlock. C'est parti. Et la tartine. Non. Non, le Zeus, les amis. Il s'attend. Montons vite dans la DeLorean. J'ai pris une remorque. Ah, et t'as partons. Changé de texte, c'est pas mal. Ah ouais. Ouais. Et c'est partons bien. Dans l'année 1982. Ouais. Mais c'est pas plausible. Pas de boule à caravane derrière la DeLorean. Je pense pas. C'est vrai. C'est pour attraper le truc électrique. Ouais, DeLorean avec une boule à caravane derrière. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'attache caravane. Ou alors, les deux boules, je les tenais, moi, monsieur, ouais. Pendant que je traversais le futur. Excuse-moi de te contredire, mon ami Sherlock, mais j'ai un doute, là. C'est vrai. C'est une remorque électromagnétique. Oh, pas besoin de boule. Eh oui. Alors non, donc effectivement, donc pour cette chronique ciné rétro 80, j'ai regardé un film des années 80 cette semaine que je n'avais pas vu et que je vais essayer de vous faire deviner par des petits indices, notamment des passages de dialogue ou des musiques tirées directement du film. Je vais également vous donner les acteurs du film, le nombre d'entrées et les pigistes, ainsi de suite. Les cameramans. Non, ça j'ai pas noté. J'ai pas noté, mais j'aurais pu, hein, parce qu'il y en y avait quand même des chauffeurs aussi. C'est... Donc, je vais commencer par vous dire que le film est sorti le 29 septembre 1982. Allez, vas-y, on dit ça. Voilà. Essaye d'en trouver un qui est sorti un jeudi, parce que c'est pas 24 mois. Ils sont passés déjà. Alors, Onissa, on l'a payé pour venir ici pour dire mercredi. Ouais, bah, ah bon, on l'a payé pour dire deux mots en fait. Un mercredi. Ah oui, un mercredi. Même Robinson n'en a pas voulu avec à vendredi. Quoique, dans le contrat, il était bien marqué rire agricole. Et oui, un mercredi. Voilà, donc bah, t'as rempli ton contrat. Moi. Voilà. Robinson n'en a pas voulu. Donc, le film a fait 948 133 entrées au box-office français. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est déjà mieux que les 2%. L'année dernière, c'était 500 000. Ouais, donc, les deux derniers, c'était dans les 500. Ouais. Et il a eu deux nominations aux Saturn Awards. Un film de science-fiction ? Pas du tout. Ah bon ? Eh ouais. Bah, tu m'avais dit que Saturn Awards. Mais oui, les Saturn Awards, normalement, c'est de la science-fiction. Et là, c'est pas de la science-fiction. Ouais, on est dans un environnement fantasmagorique ou science-fictionnique. Non, pas du tout. Non, non, non. C'est bizarre, ça, quand même. Et c'est là qu'on se dit que Saturn part rond. Ouais. Oh, c'est beau. Bon. Et au fait, ton père Pompon, il va bien. Alors, le réalisateur du film, c'est Mark L. Lester. Ouais. Mark L. Lester, ouais, d'accord. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Pas du tout. Rien à voir avec Hannibal. Non. Ah, j'y avais c'est lecteur, hein, mais lecteur. Ah, c'est lecteur. MP3, ouais. Mais non. Oh non. Ça s'est fait. Ouais. T'es sûr que c'est mon père Pompon ou j'ai un père caché, c'est non, pas possible. Lui c'était Pompon. Mais ils l'ont raté. En fait, Flipcat est le fils de Pompon et Pompon c'est ton grand-père. Pourquoi t'appelles Pompon Flipcat? Je courais toute la nuit sur ton donc lui ce serait mon fils par déduction. Ah bah oui. Et voilà. Voilà et, par contre, attends, il faut expliquer aux auditeurs. Parce que quand même. On est dans la chronique ciné. Ils comprennent pas forcément, mais Pompon c'était le vieux bonhomme dans la classe. Ouais. Il faisait toujours des rébus un peu bordéliques et des blagues à deux balles. Oui. Voilà. Donc, et il s'appelait Pompon. Voilà. Le pire, c'est que les gens rigolaient pas. Et la classe, pour tous ceux qui nous suivent, c'était une émission noir et blanc que vous ne connaissez pas. Vas-y, ton émission. Oh, ouais. Alors, Sherlock, c'est ton donc, moment. On a déjà une bonne réponse sur Facebook. Bah, il y a déjà la réponse, tu te fous de ma gueule. Interdiction. Mais à mon avis, la personne a dû regarder sur Tu l'as pas validé. Tu vas me dire que c'est Michael. Non, pas du tout. Non. Qui donne la réponse du film. Ouais, mais à mon avis, ça, rien qu'avec le nom du réalisateur, tu peux retrouver. Ah, pas de base sur les films des années 80. Vous savez, vous êtes en train. Comment donnez-nous les indices. Bah, celui qui t'a donné la réponse, s'appelle comment? C'est Isabelle Cartier-Pontieux. Bah, Isabelle, t'es une tricheuse. Ah. Isabelle, je suis désolé, je ne maîtrise pas. Ne regardez pas sur Facebook, mais effectivement, elle a trouvé. Donc, Isabelle était une nouvelle auditrice qui venait de rejoindre l'émission il y a 10 minutes et qui vient de se faire jeter lamentablement par Harry. Merci. Voilà, alors je vais vous passer le premier extrait. Écoutez bien, c'est un extrait de dialogue. Il y avait d'autres témoins à votre connaissance? Non. Bon, nous avons tous les renseignements. On va faire une enquête et on vous rappellera. Mais quelle enquête vous voulez faire? Je vous ai dit que c'était Peter Stegman et sa bande. Stegman n'a pas encore 18 ans. Aucun des gosses que vous accusez n'a ses 18 ans. Et en plus de ça, ils trouveront 20 copains prêts à leur fournir un alibi en béton dans la minute. Ces gosses connaissent toutes les échappatoires. Vous les bouclez par une porte, ils sortent par une autre dans les 5 minutes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui, alors, ça ne suffit pas. De nos jours, si vous voulez faire arrêter un mineur, il faut lui tenir la main pendant qu'il vous vole. La voix de Robert Denayi en français, oui. Évidemment. Oui, c'est pour et ça. Et joue dedans, en plus, j'imagine. Pas du tout. Ah, d'accord. Mais ah, c'est non, la voix de Robert Denayi. Ouais, ouais, en plus, on en avait parlé la semaine dernière. Ah, ouais, absolument. Il a une voix reconnaissable en français, ah, mais oui, c'est pas lui. Il y a une notion ethnique dans le film. Une notion ethnique, c'est le film est basé là-dessus, sur une différence d'ethnie ou... Non, avec pas, un black, non. Non. Ah, c'est pas celui-là. Non. Avec trouve, un black, tu pensais à quoi? J'ai plus le titre du film, ça va me revenir. C'est pas non plus avec deux gars dans une automobile. Qui braque. Deux gars dans une automobile. Qui non. braque. Non, non, non, non, c'est non. pas ça. Le cornio. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Un pied de cornio. Il pense aux Blues Brothers, peut-être. Non, cela, j'ai plus le titre. Non, non, c'est pas ça. Alors, attends, qu'est-ce que je peux. Oui, je vais vous donner. La musique est de Lalo Schifrin. Ah, bah. Et oui. de Alice Cooper. Ah, ouais, quand même. Eh, ouais. Et Alice Cooper, je vous donnerai parce que c'est la chanson du film, je vous la passerai à la fin. C'est la fille de Lee. Alors donc, je vais vous donner quelques acteurs. Il y a notamment Keith Knight, Al Waxman, Lisa Langlois, Stéphane Arngreen, Roddy McDowall, ouais. qui jouait notamment dans La planète des singes, qui ouais. faisait l'un des singes. Oui. D'accord. Il faisait le singe aussi, d'ailleurs. Hein, Ouais, mais c'est. Non, c'est sérieusement. Il était grimé en singe, parce que. Là, mais dans la première version de. Oui, dans la première version, dans les années 80. D'accord, ok. Il y a également Michael J. Fox. Ah. Timothy Van Patten. Marilyn Cross. Et Perry King, l'acteur principal. Ah, l'acteur principal. Ouais, d'accord. Perry King, alors pour celui qui ne voit pas, il ressemble un petit peu à celui qui jouait dans Piège de Cristal, le méchant. Qui est mort d'ailleurs l'année dernière. Oui. Ouais. Ouais. Et qui a joué dans. Il avait un petit peu la même tête, la même coupe. Qui a joué dans Harry Potter. Oui, exact. Ouais. Ouais, bien sûr. Bon, c'est nébuleux là, vas-y, continue. Alors, je vais vous donner un deuxième extrait du film avec une musique que je trouve magnifique. Et je vous dirai quelque chose dessus après. Écoutez bien. Rubenstein vous interprète Kokomo. Foutez le camp! Allez, ça suffit! Alors, dehors! Dehors! Vous m'engagez, professeur? Ouais, vous après jouez comme ça. Vous m'engagez dans votre connerie? Non. De toute façon, Stegman ne joue pas dans les petits orchestres de merde. Stegman. Alors, Stegman, c'est un nom qui revient. Hein. Est-ce que dans le film, il y a. Vers la fin du film, il y a un groupe connu qui joue dedans? Un groupe connu qui joue dedans? Non, pas du tout. Vous avez le nom du piano? Il y a un orchestre qui joue, mais d'accord. pas un groupe connu. Mais, c'est un film, en fait. Il n'est pas d'époque. Si, il se passe en 84. Ah. Donc 2 ans après la sortie du film, normalement. Le piano qui était joué, c'était un piano bastringue. Bastringue. Ça s'appelle du bastringue. C'est le piano d'or, en fait. Non, on prend un piano normal, on désaccorde les cordes, mais elles sont désaccordées d'une certaine façon que ça fait de la diatonique. Donc ça, en fait, c'est pas faux. Ça s'appelle un piano bastringue, c'est très rare. D'accord. De savoir jouer. Parce qu'il parle de Kokomo, alors à un moment, on a envie de penser aux Beach Boys. Au Beach Boys, j'étais parti là-dessus, moi, oui. Alors donc c'est Timothy Van Patten qui joue, hein. Stegman est joué par Timothy Van Patten. Je vais vous donner encore un autre extrait du film. C'est également un extrait de dialogue. C'est celui-ci. Oh, c'est tellement stupide. Comme je ne pensais qu'à coincer Stegman, je n'ai pas remarqué que le petit était drogué. Si je l'avais vu, j'aurais pu le sauver. Mais comment aurais-tu pu le deviner? Ce n'est pas ta faute. On a offert à Jimmy une minute de silence aujourd'hui. Une misérable minute pour 16 ans de vie. C'est compliqué, hein. Ouais, là, je sèche. Bah ouais, là, moi, je sèche totalement. Mais je l'avais jamais vu, et c'est, et franchement, j'ai trouvé ce film... Bon, mais perturbant aussi. En D'accord. Alors, je vais vous passer... C'est un rapport avec un pianiste. Oui, non, c'est pas... Mais le titre n'en fait pas allusion. Avec un professeur, oui, effectivement. Ouais, est-ce que c'est un peu dans la lignée des comédies musicales ou... Non, pas du tout. Ce professeur n'a pas créé un piano. Non, pas du tout. Commence par Stanway. Non, c'est pas ça. C'est un très beau film là-dessus sur Stanley. Et le titre n'est pas en rapport, justement, avec le piano ou... Non. Non, c'est en fait plus un. Alors, je vous ai dit que le film se passait. En 84. Voilà, donc il y a une partie. Je suis, hein, tu sais, il y a une partie du titre qui contient. 84. Est-ce que dans la bande-son, on a du Eurythmics? Non. Non, mais par contre, il y a un mec qui a. Il y a un mot devant, 84. Oui. Ouais, mais il y a avec un. Un bord d'une syllabe. Est-ce que ça commence par un C? Ah non. Oui. D'accord. Pardon, répète. Donc Flip 4 a trouvé. Ouais. C'est, alors, mais non, on n'a rien entendu. On redonne l'indice quand même. Le mot est en une syllabe qui se dit de la même qui se prononce de la même façon en français qu'en anglais. Et ça commence par un C. Oui, mais c'est pas celui-là. Ça n'a rien à voir avec l'aviation. Ah non, pas du tout. Non. Tu penses à quoi, Top Gun? Ah, la même chose que toi, gros dégueulasse. Non, mais parce que... toutes les semaines, il me l'a fait. Ça ressemble à, ça ressemble à glace. Oui. Oui. Bah oui, mais... Pardon, répète. Ça ressemble à glace, mais c'est celui-là... Oui. Il n'y avait pas l'acteur, comment mais attends, est-ce qu'il y a un acteur en commun avec Dirty Dancing? Bah oui, c'est ça que je te demande. Dirty Dancing. Bah oui. Bah bien sûr. Bah oui. C'était un de ses premiers films. Excuse-moi, c'est pour ça que ça me fausse. Je pense est-ce à celui-là. Est-ce qu'il y a Rob Lowe dedans ou Non. Et moi aussi, alors, je suis pris par un grand. Non, Rob Lowe ne joue pas dedans, non. Mais je crois que Patrick Swayze joue dedans. C'est non, un de ses premiers rôles. Ah non, il ne joue pas dedans. C'est des loubards. Oui. Oui. Mais Patrick Swayze ne joue pas dedans. Rob Lowe ne joue pas dedans. Je vais vous passer, donc là, c'est... Je vois quoi, évidemment. Alors là, c'est la chanson d'Alice Cooper qui s'appelle « I am the future ». Oui, d'accord. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le nom qui revenait. Ça. When does a dream become a nightmare? When do we do what must be done? When do we stand and face the there is nowhere left to run. You got to learn just how to survive. You got to learn how to keep your dream. Alors, donc effectivement, il a eu deux nominations au Saturn, peut-être justement parce que ça se passe deux ans après la sortie, donc c'est un film d'anticipation. On peut dire ça comme ça. Alors, donc, le synopsis. Genre, je sors mon film au mois de janvier, je parle du mois de février, c'est un film de science-fiction. Le film donc, parle de Andy Norris, qui est nommé professeur de musique à la Abraham Lincoln High School, un établissement scolaire terrorisé par un gang d'élèves dirigé par un jeune pianiste psychopathe. Revente de drogue, brutalité, raquettes, menaces sont le pain quotidien de ceux qui y étudient et y enseignent. L'attitude ouverte mais ferme d'Andy envers le gang ne sert à rien. Au contraire, elle engendre de nouvelles provocations et l'affrontement n'est donc plus très loin et il s'annonce sanglant. Bah après, ils ont sorti 5 volets, c'est style Le Proviseur, là, comment ça s'appelait, qui était exactement là-dessus. Ouais, à l'époque, ouais, mais c'était The Substitute, le premier, il est pas sympa. Hein. Ouais. Il ramasse les gamins, il se laisse pas faire. Alors, donc, le rôle de Terry Corrigan, tenu par Roddy McDowall, a d'abord été proposé à Dennis Weaver, qui le refusa, le jugeant trop violent. Le film, c'est vrai qu'il est quand même assez violent, pour un film qui se passe dans une école. Ouais. Bon, c'était la grande époque des punks, hein, à l'époque. Donc là, c'est effectivement, c'est un groupe de punks, de jeunes punks, qui sème un peu la terreur. C'est le deuxième film de Michael G. Fox, à l'époque appelé Michael Fox, le premier étant Midnight Madness, produit par Walt Disney. Ah et bon donc, il a adopté l'initiale G dans son nom, en hommage au comédien Michael G. Pollard pour éviter toute confusion avec son homonyme, l'acteur américain Michael Fox. Et je me rappelle d'ailleurs que c'était Vincent Ropion qui faisait la voix française. Vincent Ropion. Ouais. Parce que je regarde ça. Ouais, bah, ouais, je temps, me doute hein. bien. donc il faut savoir que de vrais animaux morts ont été utilisés pour la scène où l'école trouve les animaux de laboratoire de Corrigan tués. L'odeur de la pièce y était tellement insupportable que la plupart des acteurs n'entrèrent même pas dans la pièce. Ouais, donc après une première projection privée, le scénariste Barry Schneider a demandé à ce qu'on retire son nom du générique à cause de la violence dans le film. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais, quand même, à ce point-là, ouais. Il faut savoir qu'il y a un gars qui se fait couper un bras à la scie circulaire dedans, hein, et on le voit. Enfin bref, quoi, c'est quand même assez violent pour un film à l'époque. Bah, c'est pour ça que c'était une bonne époque quand tu penses cette année-là, c'est qu'en fait on était devenu, c'est vrai, les punks, tout ça, on était devenu très violent, très revendicatif, mais t'avais pas de violence à ce point-là, et c'est vrai qu'il y a commencé à avoir des films qui sont sortis avec des bras coupés, des viols. Il y a eu un viol dans le film. Il y a la femme du professeur. J'avais peur de me tromper, tout à fait. Effectivement. Et donc le concerto donc, que Stegman joue dans la salle de classe a été écrit par Timothy Van Patten lui-même. Donc la musique qu'on entendait tout à l'heure, c'est l'acteur. C'est lui qui l'a écrite. Ouais, c'est lui qui l'a écrite. Ah, c'est en fait, ouais, ouais. Et j'ai trouvé ça magnifique, franchement. J'ai trouvé la musique très très belle. Après le petit aparté. Surtout quand tu connais le contexte par rapport au film, le type qui est. C'est une ordure finie, hein. Celui qui joue, c'est une ordure finie. C'est un punk qui fait que. Enfin, il se rebelle contre tout. Je te dis, il viole les gens. Enfin, c'est vraiment la dernière des merdes, franchement. Et quand tu vois la beauté de ce qu'il peut écrire ou de ce qu'il peut sortir avec un piano à ce moment-là, tu te dis, mais c'est plus la même personne. Le gars, en fait, est surdoué, limite. Il est très très bon en classe, mais il en a rien à foutre. Alors qu'est-ce qu'il baise ? Il est pas d'un temps récent. Je me souviens maintenant, le film, c'est clair, là, je m'en souviens. J'ai jamais vu. Un petit truc côté pianiste. Hein. Non plus. Je rebondis là-dessus sans revenir sur la technique, mais je crois que le morceau est joli aussi, parce que je parlais de bastringue tout à l'heure. J'aimerais bien écouter la mélodie sur un piano droit, tu vois. Elle serait peut-être moins jolie. Ce qui fait, c'est la dissonance, le côté très très lourd. En fait, le bastringue, c'est un piano, vous aviez un cylindre. Ça vous parle des pianos qui jouaient tout seul ? Vous aviez le piano qui jouait tout seul. Donc, en fait, parlé justement hors antenne et il y avait un cylindre. Parle-en justement. Ah non, j'en ai parlé vite fait. Vous aviez un cylindre en cuivre qui faisait dissonner la musique parce qu'évidemment c'était pas très très précis. Et en fait, il y en a qui se sont dit ouais, mais la dissonance en fait est harmonique parce qu'elle revient de manière récurrente puisque le cylindre tourne et tout ça. Et ils ont accordé les cordes de certains pianos comme ça. Et t'en as Ray Charles parfois joué sur du bastringue et c'était très très compliqué, mais ça donne des sons. Je suis d'accord avec Sherlock, la mélodie est très très belle parce qu'elle est. Elle a un côté sombre quelque part. Elle est lourde, elle est pas claire, même la musique n'est pas claire. C'est ça. Et pourtant, la mélodie est belle. Je me trompe, mais c'est bon, c'est vrai, c'est beau. Des groupes Flipkat. Tu leur passes quoi? Si je me trompe, mais tu leur passes des gens comme Jerry Lee Lewis, des genres de choses jouées sur des pianos bastringues, non? C'était non, pas sur les. Pas spécialement, non. Non, pas Jerry Lee, non. Quand on entend la sonorité des pianos, on se dit bah voilà. T'en as souvent, c'est quand tu vois les. Allez, dis-le, Dom. Les Borsalino, les bars. Tout ce qui se passe au Moulin Rouge, des choses comme ça. C'était ça. Et le mec, à un moment, il joue parce que c'est cette dissonance qu'il faisait. Et après, il y en a qui se sont dit, des acousticiens qui se sont dit, mais la dissonance, on va régler cette corde pour qu'elle dissonne plus. Voilà. Écoutez bien. Écoutez les notes. Mais tout est accordé. On dirait un cœur, un canon. Avec beaucoup de réverbération. Pas de notes sèches. Pensez à Borsalino. Pensez à Borsalino. C'est les musiques lourdes. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau quand même, ouais. Ah, oui, c'est sûr. Parce que la note majeure, en fait, est nette. Elle, par contre, elle n'est pas dissonante. Et le mec, il sait jouer. C'est pour ça que c'est compliqué. Il sait sur quelle note mettre les notes fondamentales. Nette. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. La note est pure. Mais les basses sont complètement dissonantes. C'est beau. C'est beau. Et c'est longtemps que je n'ai pas entendu la basse. Sur YouTube, il y a des gens, il y a pas mal de personnes qui reprennent cette musique, qui en font donc une cover. Et il y en a un qui a réécrit la musique en reprenant toujours ces accords-là, donc les accords diatoniques, c'est ça ? Oui, diatoniques. C'est une certaine diatonie. En faisant vraiment une musique de 3 minutes et quelques dessus. D'accord. Je vous dirai en rentaine après ce que c'est une diatonie. Quelques anecdotes sur le film ? Bah non, j'ai tout dit ce que j'avais à dire dessus. D'accord. Il n'y avait pas grand chose à dire, et ce que j'ai trouvé après. Alors, c'est un film qui, à mon avis, a très très très bien marché en VHS à l'époque. Mm-hmm. Peut-être un peu moins au cinéma. Mais peut-être tu voulais dire. Il a très bien fonctionné aux États-Unis, beaucoup moins bien. En France. Dans la continuité de ce qu'on parlait du piano bass string, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Mais si, ça a d'importance, ce que tu dis. Bien sûr, bah, non, parce que je laissais finir et on n'est plus dans le. Ah oui, on n'est plus dans le truc. On est plus dans le truc. Bon. Alors, je vous l'ai vite fait. L'échelle diatonique, ça va faire chier. Non, s'il te plaît. Non, non. Alors là, c'était un piano bas-string, et là, par contre, c'est un animateur bal-tringue. Non. Bien, j'avais l'air. Est-ce que tu sais que c'est la base de la musique occidentale, mon garçon? La diatonique est la base de la musique occidentale. Voilà. Sachez qu'il y a la musique orientale. Canon, je ne suis pas musicophile ni. Mais il y en a qui écoutent peut-être, hein, et qui donc, se seraient intéressés à mes 6 lignes de... que j'allais faire. Par contre, pas écouté. Ouais, mais si, mais par contre, comment ça se finit, c'est ça? Ah bon, non, il faut aller le voir, évidemment. Ah ouais, ça m'a interpellé quand même, j'aimerais bien. Puisqu'on est on a refait une parenthèse là sur. À propos des piano bass-string, au niveau du style de musique, il y avait peut-être un peu plus dans les années 50 les groupes ou les chanteurs qui faisaient du boogie-woogie. Qui jouait sur le piano bass-string, plus dans le style. Un peu comme il dit. Pas de boogie-woogie avant de faire votre prière. C'est même pas du ça. Ouais, non, même pas. Pas de boogie-woogie. Non, contrairement à ce qui chante, ça n'en est pas du tout. Mais alors, tu sais que justement, dans cette chanson, il y a une faute de français. Ah oui, bah non, il ne le fait plus. Il ne le fait plus. Il l'a fait dans ses albums parce qu'il disait « Reprenez avec moi ». Reprenez avec moi. Des liaisons mal à propos. Absolument. Mais dans ses albums... il disait reprenez donc avec moi. Avec moi. Ah oui. Mais en concert il ne le fait plus. Parce que les liaisons, j'ai eu le coup sur scène et tu le sais dans une comédie musicale de. Ça c'est toute une question. Et c'est toute la question. Et le français fait qu'on fait la liaison, mais c'est vrai que quand tu l'entends, il faut faire la liaison, c'est toi qui le faisais. Mais oui, j'ai bien. Moi, je me disais, c'est une horreur en français, et c'est vrai que c'est plus joli quand on ne fait pas la liaison. Ouais. Mais voilà, c'est comme les amours ou les amours, là tu dis les amours. Mais là, c'est un mot plus complexe, mais en fait, on faisait logiquement la liaison en français. Mais là, il y a deux écoles, parce que moi, j'étais pour la liaison, et toi, tu étais contre. Non, j'étais pour. Ah, t'étais pour. Ah oui, j'étais pour aussi. Donc, et quelqu'un ne veut pas rentrer dans les détails, parce que ça, c'est des histoires entre toi et moi, Canon. Là, tout un programme. Onissa a parlé. Merci Sherlock, c'était très intéressant ta chronique. Mais je t'en prie. Le maître du piano bass-string. On l'entend ou pas? Ouais, donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça fait un peu moulin rouge. Dans les années 50 et tout ça. Bah, même quand on regarde dans les westerns. Voilà, c'est ça. Dans les saloons. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était pour alimenter le débat, mais c'est une vraie basse. Dans le swing des années 40, on en retrouve aussi. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, 40-50, comme ça. Ouais. Du coup, mes amis. Du coup, Sherlock doit rajouter dans sa liste pour trop de blabla. Tu le blabla. MMA, donc. 0 blabla. Du coup, maintenant, il faut parler de. Mais non, on est en Belgique. Et vous retiendrez jamais, en France, si on dit une marque, il faut en dire deux, mais pas en Belgique. Je suis pas sûr. Je bois de l'élève. T'as pas besoin de dire. Ouais, et de la Jupiler et truc, et le mec te répond non, moi je bois de l'élève. Bah je sais pas. Ah bah tiens, à vérifier, tiens, ce sera à demander. Bon, ce sera Duvel. Sherlock, une petite coupure musicale. Oui, alors avec Matt Bianco et Assez Yeyé. Ah ouais. Et ensuite on viendra avec Jean Schultes et va te faire voir, tiens. Ah ouais, yes! Chez les Grecs. Elle est toute contente, oui. Va te faire voir chez les Grecs. Ah ouais, va te faire voir chez les Grecs. Et qu'est-ce que tu vas en prendre? Allez, c'est parti! Yeah. Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Et oui, bien sûr, vous l'avez reconnu puisque vous nous avez rejoint dans l'émission 80 à l'heure sur RQC Land 5 FM comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30 yeah. Avec Onissa. Hello. Avec notre amie Konika. Bien vu. Bonsoir. Konika, copie tout. Et dans ça tous tirait les cas. Mieux d'ailleurs, hein, Konika. Je t'emmerde. Ouais. Avec Canon, évidemment, vous l'avez reconnu. Avec Flipkat. Et oui. Avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Qui a failli nous coller vraiment avec son film Classe 1984. Ouais. Je pensais vraiment vous coller là-dessus. Hein. Ah, moi, voilà, pour le coup, voilà, c'est bien vu, honnêtement. Alors, moi, ce qui a fait que j'ai persisté à chercher, c'est le nom qui revenait. Stegman. Stegman. C'est ça. Ça m'intriguait. Et le fait que. Alors, ce qui a mis. Moi, lundi, c'était le film qui était en fait réalisé. Deux ans après, quoi, en fait. Ouais. Se passer deux ans après. Alors, il y a Isabelle qui a trouvé tout de suite, évidemment, oui. Qui oui. nous écoute et qui nous a envoyé un message en nous disant le titre. Mais c'est facile hein, quand on est sur Internet. Et on dit merci, hein, qui, ouais. On dit merci, Wiki. Ouais, merci, Wiki. On dit merci, Wiki. Merci, Sherlock. Wiki, Michel, bien sûr. Je fais un gros bisou. Je fais aussi un gros bisou à Valérie si elle nous écoute. Valérie, oui, voilà. Bah, on fait des bisous à tout le monde d'ailleurs oui, qui nous écoute. Et Marjorie qui nous a également laissé un message tout à l'heure. Ah, Marjorie, alors un petit coucou, Marjorie, je vais dire une chose sur Marjorie, c'est que j'adore cette nana parce que elle est très courageuse. Ouais. J'ai eu l'occasion de passer un samedi soir avec elle. J'espère qu'elle a autant apprécié que moi passer cette soirée avec elle puisqu'on est allé voir le concert donc de Sarah Letor ensemble et Marjorie mais c'est une elle connaît tout le monde et puis elle est très empathique et puis parle à tout le monde et d'ailleurs parfois c'est gênant parce que toi t'es là sur le côté tu te dis mais je suis là non Marjorie je te salue déteste ça oui. Voilà elle va nous revenir j'espère quand même d'ici quelques temps, je sais qu'elle a une petite opération qui va lui demander quelques semaines de convalescence. Ouais. On est de tout cœur avec elle. Oui, ah oui voilà. Donc Marjorie, on te bisoute. Mais même avec ses petits soucis, elle nous a laissé justement une phrase positive. Je vais vous la lire. C'est une vie est une œuvre d'art. Il n'y a pas de plus beau poème que de vivre pleinement, échouer même est enviable pour avoir tenté. Oui, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, je sais pas si c'est d'elle. Hein. Sartre, c'est très beau. Je sais pas, mais Jean-Paul c'est très beau. Porte, Sartre. Je sais pas. Là, je sais pas de Facebook. Qui c'est. En tout cas, merci Marjorie et merci d'être à l'écoute de RQC et puis d'être aussi une membre active puisqu'on la reçoit de temps en temps et ça nous fait bien plaisir. Elle revient quand elle veut, bien évidemment. Et puis et on l'embrasse. Très et voilà, fort. On l'embrasse très fort. On a également Pascal qui est à l'écoute. On l'embrasse oui. très fort. Moins fort alors. Oui. Alors Canon l'embrasse parce qu'il pique un peu plus donc. Ouais. Non, j'espère que tu vas mieux, toi, parce qu'il est passé par des trucs pas possibles. L'année dernière, c'était la gastro. Non, je pense qu'il s'est veillé. Voilà, il y a eu une petite hospitalisation, des petits soucis, etc. Absolument. Et je crois de mémoire qu'ils sont en pleine préparation quoi, de l'élection de Miss Bulgarie. Oui. Qui n'est pas une mince affaire non plus. Donc, Sylvie, on la salue au passage. Et puis, bonne organisation pour l'élection de Miss Bulgarie. Eh bien, écoutez, il est 21h30. Ça faisait longtemps. Ah, 35, oui, bien sûr. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Et oui. Enfin, si, on l'avait entendu il y a quelques minutes, mais il était venu sans chronique, un peu. Voilà, je suis le gréviste, le Mélenchon. Non, pas gréviste, un petit peu malheureusement, par la force des choses aussi. Ouais, t'es un peu le Mélenchon de 80 à l'heure, toi. Non, s'il te plaît, non. Moi, je m'en vais, là. Il était... Ne sois pas désagréable, s'il te plaît. Bon, j'arrête. Il était pécétoniste. Par contre, ouais. Mais surtout, nonobstant. Nonobstant le fait, ouais. Que pavillon. Il nous a préparé ce soir une chronique qui va vous plaire, j'en suis ouais, certain. Qui sort un petit peu de l'ordinaire. Qui va rappeler des souvenirs à certains d'entre nous. Ou pas. Mais voilà. Il pique les trucs de ouais. Mes chroniques maintenant. Ouais. Ou pas. Ah ouais, il va nous donner envie d'aller. Mais rappelez-vous, parce que Évidemment, on rappelle que RQC dans l'an 5 FM a longtemps été une radio pirate. Maintenant, nous sommes une radio donc confirmée, hein, surveillée par le CSA. Bien évidemment. Il y a beaucoup de fermés parmi nous. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais à l'époque, c'est un peu à l'origine de la radio pirate. Et tu vas nous parler de. Oui, tout à fait. Oui. Ça a été le. Je vais donner le début du jingle. Écoutez Allez. Bien, essayez de deviner. Rien que ça. Mais on doit pas le dire. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Alors, je vous le repasse. Ce qu'on me dit qu'on n'a pas entendu dans le studio. Écoutez, c'est parti. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi je connais évidemment, je connaissais pas le jingle, mais bah moi c'est ça, le jingle me dit rien. Mais alors, le jingle chanté, ça c'est un truc de fou. Ça, mais c'est après, génial. Oui, après bon, faut savoir que c'est un des premiers jingles. Je vais vous passer une compile des différents jingles qui ont été faits durant toute la période, durant toute l'existence de cette radio. Alors radio, on va la mentionner. Évidemment. Radio mythique, puisque il s'agit de Radio Caroline. Ah, Caroline. Qui mettait donc dans les eaux internationales. Alors, explique un peu le principe, parce que voilà, c'était alors, une voilà, radio bonne pirate chronique. qui n'émettait pas sur Terre, puisqu'ils étaient sur un bateau. Sur un bateau, oui, ouais. Absolument. Dans les eaux internationales, hein, donc dans la Manche, carrément, mer du Nord. Alors, il s'agit donc effectivement de Radio Caroline, qui était à l'origine donc une radio britannique et anglophone. Alors, j'insiste bien sur anglophone, pourquoi? Parce qu'elle ne passait que des titres anglais, voire américains. Hein. Et donc, elle était connue, en fait, pour avoir été de 64 à 90, une radio pirate offshore. Elle avait été fondée par un homme d'affaires irlandais, en fait. Hein, donc, le nom, peu importe, je peux vous le donner, mais il s'appelait Ronan O'Reilly. Alors, peu importe, je ne vais pas vous donner, mais il s'appelait... voilà, c'est un homme d'affaires, mais bon, j'essaie de savoir ce qu'il avait pu faire, s'il avait été, je veux dire, quelqu'un de femme dans son pays, j'ai rien trouvé sur le terme. Alors, cette radio avait aussi un slogan à l'époque, en anglais, évidemment, « Real people, real music ». Ouais. Et c'est une radio qui avait très vite monté en flèche au niveau... Alors, fais-nous la traduction, hein, pour les gens qui ne sont pas anglophones. Real people pour les gens vrais, de la vraie musique en fait. Absolument. Mais il faut savoir que c'était de la musique qui se démarquait nettement de ce qui se passait à l'époque, encore sur les ondes courtes, ou même plus tardivement sur les ondes FM, puisqu'ils étaient quand même précurseurs, ils ont passé des groupes qui n'allaient être connus en Europe que plusieurs années après. Ils émettaient en quoi alors? Ils étaient en quoi Principalement en AM. Oui. Pendant très très longtemps, même à l'époque on parlait de... Et ça existe encore? Oui, ça existe encore. Il y a encore, des radios qui émettent en AM. Oui, il y en a peu, mais... Tout à fait, oui. Mais ouais, non mais je suis étonné. Donc voilà, alors, ce que je vous invite, on va peut-être, pendant que je... En fond, on va peut-être repasser le jingle. Il y en a plusieurs, c'est un mixte en fait, des premiers jingles de 64 jusqu'à 90. Vas-y. Alors, je vais le remettre au début. Écoutez bien. Serving the British Isles, 14 swinging hours a day, this is 199 Radio Caroline. 100 Show. Caroline. Voilà. Alors, je crois que c'est un jingle qu'on entend très souvent dans l'émission de Georges Lang à partir de minuit. Alors, on peut le dire sur une radio concurrente RTL. Il s'inspire beaucoup de ces jingles-là. Tout à fait. Ouais, et je crois même que ce jingle-là, il le passe de temps en temps. C'est bien posé, mais c'est tout à fait dans le style, on en parlait en Ah bah oui, les, évidemment. Les radios américaines qui sont encore fort imprégnées du style des années 50, notamment, je parlais du Wolfman Jack qu'on voit dans le film American Graffiti, ouais. qui était vraiment un animateur radio. Hein. On l'appelait le Wolfman parce que quand il passe à l'antenne, il poussait le cri du loup. Ah. Et on l'appelait le Wolfman, l'homme loup. Comme et, à la fin de... comment ça s'appelle New York, Police District, je sais pas quoi, à la fin ça fait Ah ouh ça se pète. Bah, Onissa, la semaine prochaine, viens en jupe, je te fais le loup. Mais juste une question, Flip. Oui. Alors, tu vas peut-être y répondre et je te prends devant, mais pourquoi est-ce qu'ils émettaient justement d'un bateau? Pourquoi pas sur Terre? Dans les internationales, entre deux eaux. D'accord. Un petit peu comme le ferry, à un moment donné, les magasins ferment 20 minutes avant d'approcher la côte britannique. Ouais. Et ils n'ouvrent pas quand tu quittes Calais 20 minutes avant. D'avoir quitté le port de Calais. Ah ouais, parce qu'on arrive voilà. vraiment là, c'est le no man's land. Dans les eaux internationales. C'était une radio duty free. Tu peux plus intervenir. Ouais, voilà, ils ne pouvaient plus intervenir, ce qui n'a pas empêché de le. Ouais, il n'y a plus de loi en fait qui gère. Voilà. Ah ouais, c'est génial. Okay. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on parle de Radio Caroline, bon, c'était à partir d'un bateau. En réalité, très rapidement, il y en a eu trois, en réalité, pour perturber les autorités qui voulaient les prendre, en fait. Hein. Et ils se relayaient comme ça sur ton bateau. Alors, il y a eu le premier qui était le Fredericia, qui abritait Radio Caroline, et un autre bateau qui s'appelait le Mi Amigo, qui est d'ailleurs le titre d'une radio, Mi Amigo. Ouais. Alors, la seule différence, c'est qu'en fait, ces deux bateaux qui, en fait, se rendaient service l'un l'autre pour brouiller les pistes, ouais. hein, pour mettre tantôt de l'un ou de l'autre, hein, ont fusionné très rapidement dans la même année, en 64. Et donc, pour devenir Radio Caroline... Alors, il faut savoir, il y a eu, pour échapper aux lois, parce que tantôt c'était régi par les lois néerlandaises, tantôt par les lois anglaises, parce que Radio Caroline émettait et parlait en anglais, et Radio Mi Amigo parlait en anglais, en néerlandais, mais émettait des programmes en anglais. Je dis bien. Voilà. Anglophone, ouais. C'est assez complexe, j'ai lu un petit peu l'histoire, alors je ne vais pas vous embrouiller avec toutes les histoires. Mais tu parles de 1964. Déjà, oui. Ouais, ouais. Ah oui. C'était toujours pour détourner un Jusque petit peu. Jusque dans les années 90, quand même. Oui. Ah ouais, c'est énorme. C'était énorme. C'était une histoire, c'est assez rocambolesque. Ils ont joué sur le nom des bateaux pour donner, pour mettre sous un autre nom, mais en réalité, c'était toujours la continuité de Radio Caroline. Je vais l'évoquer un peu brièvement. Je vais te poser une question toute bête, mais comment ils faisaient quand même pour subvenir à leurs besoins? Parce qu'ils étaient en bateau, quoi. Il y avait un ravitaillement. Ils étaient ravitaillés, oui. Des passionnés. Oui, combien ils ont fait? Des passionnés. Ouais. Et après, est-ce qu'ils avaient des interviews? Parce que s'ils faisaient des interviews, ils faisaient venir des gens sur le bateau ou Non, justement, ce que j'ai essayé de regarder, là, ici, il y a eu un film qui est sorti, il y a peu, relativement récent, qui s'appelle Good Morning England, en fait. Ah, ça parle de ça. Oui, ça traite de. C'est vraiment, ça retrace l'histoire de cette radio. Et donc, en fait, d'après ce que j'ai pu voir, parce que je me suis posé la question aussi. Comment, d'une part, la radio pouvait vivre. Mmh. En fait, c'était toute une bande de passionnés. Et ils allaient chercher, bon, évidemment, en provenance les USA, donc outre-Atlantique, des titres de chanteurs, de groupes qui étaient franchement connus et se démarquaient déjà de par leur style, de ce qu'ils pouvaient diffuser sur les ondes. Voilà. Hein, donc, alors, en fait, en émettant, comme je le disais tout à l'heure, sur plusieurs fréquences en AM, hein, jusqu'à n'émettre essentiellement que sur une fréquence, puisqu'au départ, ils émettaient sur trois fréquences différentes. Alors, on parlait à l'époque de 963 kHz. Au début des années 80, ça correspondait à une fréquence de 319 mètres. Et au début des années 80, c'est passé à 819 kHz pour les fréquences. Et à savoir qu'aujourd'hui, on peut encore écouter Radio Caroline via le net. Et de temps à autre... Je dirais chevalier quand tu parles. Comment ça marche? Alors, ce jour-là... Donc, on peut peut-être mettre en fond. J'ai fait une petite compile. Enfin, j'ai pêché une petite compile avec tous les jingles de 64 à 90. Hein, et de ça, on va la mettre en fond. Bon. Alors, donc, comme j'avais dit, évidemment, ce bateau était ancré, alors, principalement le premier dans les eaux internationales du Nord, au large du Royaume-Uni. Alors, par la suite, il y a un autre bateau. Donc, je l'ai mentionné, le Mi Amigo, qui est venu rejoindre le Caroline pour ne fusionner et ne faire qu'une seule radio. Et donc, en fait, c'était à partir d'un seul bateau qu'il y a eu la différence entre Radio Amigo et Radio Caroline. Alors, ils retransmettaient en continu, c'était du H24, essentiellement des programmes de musique anglo-saxonne. Alors, en 1967, évidemment, ne pouvant rien faire, les autorités britanniques ont imposé au Parlement de faire voter une loi pour tenter de mettre fin aux activités des radios pirates. Alors, il y en avait déjà quelques-unes à l'époque. Hein. On évoquait brièvement, je vais peut-être vous évoquer un autre bateau pirate, encore le plus connu, en dehors des autres, Radio Veronica. Black Pearl. Le Black Pearl. Radio Veronica. J'allais dire le Black Pearl. Radio Veronica. J'allais dire l'Atlantis d'Albator. Moi. Le Kika Coulet. Le Rainbow Warrior. Non, non, le Radio Veronica. Alors, il faut savoir Veronica, que... oui, j'ai connu aussi. Voilà, voilà. Ouais. Alors, après plusieurs tentatives donc, de mettre fin aux émissions de radio Caroline, je vais arriver, ils y sont parvenus, puisqu'en 68, le Caroline, hein, le bateau, donc, est remorqué de force jusqu'aux Pays-Bas, hein, pour y être mis en vente aux enchères. Et en 72, c'est le tour du Miamigo, qui avait été remorqué également jusqu'à dans un port d'Amsterdam. Il est resté là pourrir pendant de nombreuses années. Il a été vendu aux enchères et transformé en musée justement de radio pirate. Ah, sympa. Voilà. Je vais te poser une autre question, oui. Hein, Flipkat, je sais pas si tu veux. Mais bon, les bateaux restaient pas à quai. Ils étaient donc. Oui, ils entraient au milieu des eaux internationales. Ils devaient revenir à quai. En même temps, ils transportaient des choses. Hein, ils profitaient de l'occasion quand même pour. Oui, vraiment, on va dire au large. Mais même en 64, s'il y avait une injonction, il devait bien se poser à un moment. Il devait s'amarrer. Tu restes pas en mer à vitam aeternam, les mecs qui. Ah non, mais ils étaient ravitaillés, mais le bateau restait ancré. Mais il y a des eaux internationales. De s'aborder les. Oui, bah oui, parce que. Et c'est pour ça qu'ils ont été remorqués de force par les autorités et ramenés. Puisque, donc, je leur parlais tout à l'heure, pourquoi dans un port néerlandais, hein, à Amsterdam ? Parce qu'il y avait donc cette radio, Miamigo, qui était donc régie par les lois néerlandaises. En fait, ils ont toujours essayé de détourner, de contourner un petit peu les lois, tantôt de s'afficher, on va dire, entre guillemets, sous pavillon néerlandais, et tantôt de revenir sur un pavillon britannique. L'histoire est assez complexe, en fait. Ils jouaient plus vite que la loi le temps qu'on les arraisonne. Tout tourne, en fait, énorme. Autour d'un seul et même bateau pour les émissions. Oui, en fait, oui. Et voilà. Et je ne peux pas tout étaler parce que ça va être complexe à suivre. Hein, mais depuis 72, il y a eu pas mal de choses. Donc, j'avais dit en 73, le navire en question, donc le Miamigo, qui a été vendu et transformé en musée donc de la radio pirate, eh ben, tout simplement en 73, il avait repris la mer pour rejoindre deux autres bateaux pirates, Radio Veronica et Radio North Sea. Émettant d'abord sous le nom, donc le Radio Veronica, hein, de Radio 199, c'est Radio 199, en anglais et en néerlandais, avant de reprendre un mois plus tard sous le nom de Radio Caroline, marquant le retour de la station. Alors que Radio Caroline, en remerciement, va mettre à disposition son bateau après que le bateau Radio Veronica aura coulé. Alors les circonstances restent plus que douteuses. Ouais, bah oui, évidemment. Hein, puisque on l'a dit aidé à couler, échoué, oui. On aurait perçu 5 Navy Seals qui sortaient de... Alors de ce fait, ils se sont retrouvés une fois de plus avec deux stations de radio sur le même bateau, Caroline et Veronica. Donc deux fréquences, l'une anglaise évidemment, hein, et l'autre en néerlandais. Moi ma question c'est, est-ce que tu sais dans ta chronique, c'est pourquoi on leur voulait du mal dans la mesure où ils étaient subversifs ? Ils étaient contre le gouvernement et n'importe quoi, parce que bon, même s'il y a une procédure juridique, en quoi ça gênait jusqu'à aller essayer absolument d'avoir une procédure pendant 20 ans, de les saisir, de les anéantir, de les ramener à quai. Tout à fait. Ils étaient subversifs, ils étaient à l'époque, il y avait l'IRA. Précurseurs, mais ils étaient... Les années 60, c'était la libération de pas mal de choses, donc c'est vrai qu'il y avait quand même entre... Bon, enfin voilà, on va pas parler de Vietnam, tout ça, mais ils avaient d'autres chats fouettés. Qu'est-ce qui les a amenés à vouloir pourchasser un bateau en eau internationale qui émettait... il faisait de l'ombre à qui ? C'est rien de mal. Non, le problème, c'est que le gouvernement anglais qui avait imposé au gouvernement de voter des lois, d'instaurer, de voter des lois contre ces bateaux qui étaient des radios pirates, parce que tout simplement, ça commence à profuser. Mais parce que, excuse-moi de te couper, il y avait des chroniques aussi, par exemple, je sais pas, on va parler comme nous. Ouais. T'as une chronique politique comme Chiffon Rouge qui peut revendiquer certaines trucs. Je vois vachement Eddy. Non, ce que je dis, non. À l'époque. À l'époque. Macron. À l'époque, une fois qu'ils avaient passé de la musique anglophone, est-ce que quelqu'un prenait la parole pour revendiquer la prise du gouvernement Tout, c'était vraiment de la musique H24. Et pourquoi ils leur voulaient tant de mal Tu crois pas qu'il y a des histoires de thunes derrière tout ça? Mais si, oui, mais pas probablement. Le principe des radios pirates, c'est de mordre sur la fréquence d'une radio existante. Oui, je disais, à qui ça faisait de l'ombre? Ben ouais, sûrement déjà aux radios qui étaient peut-être subventionnées par l'État ou des choses comme ça. en AM, notamment la BBC métrique. En Angleterre. AM, hein, ouais, c'est mondial. De station radio BBC, n'importe qui. BBC3 qui a fermé, mais bon. Non, mais l'AM est mondial. Ça sera en FM, tu mords sur une fréquence. Excuse-moi de te détromper, mais en AM, tu peux. Enfin, ouais, quelque part, mais en AM, c'est mondial. C'est comme la BLU, là, c'est pour ceux qui font de la CB ou n'importe quoi et tout ça. Tu peux porter, en fait, ça tape sur les ondes atmosphériques. Il y en a qui te suivent. Parfois, tu n'arrives pas à les prendre, mais le Japon peut écouter de l'AM. Ça rebondit, en fait, les ondes rebondissent sur les ondes atmosphériques. Ouais. Et donc, je veux dire, quelque part, tu bouffes pas la fréquence de quelqu'un. Comme RQC, on peut l'entendre très bien à 15 km, parfois pas l'avoir, et à ce point, l'avoir très bien. Flipkat tira l'info. Oui, non, mais je vais coder parce que, en fait, je me suis rendu compte que si je voulais, je peux m'étaler sur depuis 72, à partir du moment où les deux bateaux ont été remorqués. Il y a une Hélène qui prend le nom de l'autre et qui mais ça, je me suis dit, ça va être confusant, pas possible, mais c'est ça va ça plus loin que ce que je pensais. Gêné, mais apparemment c'est relancé là parce qu'ils font des croisières. Alors, avec achetant des têtes de bois là qui mettent en FM. Mais en fait, ce qui m'a donné l'idée de faire la chronique sur Radio Caroline, c'est parce que j'ai vu une info et ils reviennent. Oui. Alors pourquoi ils reviennent? Parce que la radio émet toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, via le net. Hein, et je suis tombé sur le site d'ailleurs. Il suffit de taper radiocaroline.uk. Et sinon, donc oui, je pense que ça va revenir sur le principe du bateau. Alors certainement, peut-être plus en pirate. Hein, mais ça sera plus bien, il n'y a plus besoin. Non, voilà. Après, pour moi, de toute façon. Et avec des fréquences en FM, je suppose. Puis toi, moi, aujourd'hui, s'ils émettent à terre, ils vont pas. Ou alors c'est un bateau qui a frété, ils pourront plus faire la même. C'était toute une époque, les mecs. Les mecs, ils étaient dans des bars à 300 km pour amener des CD, des photos. Même moi, j'ai connu Radio Caroline, alors que ça a terminé dans les années 90. Non, moi, j'ai connu aussi, ouais. Et je récupérais des musiques de Radio Caroline. Oui, bien sûr. Et j'ai découvert très tard que c'était une radio qui était pirate. Oui. Et vraiment. Alors, tout à l'heure, je mentionnais, donc, quand ce bateau est revenu en 73 rejoindre les deux autres navires, Caroline, en fait, pour se faire un petit peu oublier et pour reprendre, avait d'abord émis sous un nom anglais qui s'appelait Seagull, c'est les cigales, avant de reprendre son nom définitif. Alors, c'est pas les mouettes, pas la partie Seagull anglaise. Les croumis. Seagulls, c'est les mouettes. Oui, croumis. Mais t'as dit quoi? Les cigales. Les cigales, pardon, les. Bah ouais, excuse-moi. Pardon. Les mouettes, les mouettes. J'ai pas osé contrer, je me dis. Non, maintenant, t'as bien fait, je sais pas pourquoi. Je te jure, j'étais pas sûr, mais il y a un truc qui me heurtait, je me dis. Non, mais c'est bien, j'aime pas. Les mouettes, les cigales. Les mouettes. Ah, t'as sur les vacances. Donc voilà, autant pour moi. Et donc, voilà. Et puis, Radio Amigo, donc pour la partie en néerlandais, mais toujours avec des programmes et des titres essentiellement anglophones. Alors, Caroline reprendra donc en 74, donc sous l'étiquette de Caroline. Et l'histoire prendra fin quand même telle qu'on la connaît, hein, donc à partir d'un navire ancré dans les eaux internationales et de manière pirate. On peut dire que cette folle aventure prend fin en 80, puisque un beau soir, le bateau et Radio Caroline annoncent la fin de ses programmes. Et le lendemain matin, on apprendra que le bateau avait coulé. Voilà. C'est vrai ou pas ça? Oui, alors, c'est très controversé parce que. Ouais, entre le Véronica qui avait échoué, mais il y en a qui disent qu'il y aurait des tentatives de couler les bateaux. Mais on est d'accord qu'il revient? Oui, il revient. Alors aujourd'hui, justement. Justement, aujourd'hui, pour répondre un petit peu, je voulais voir, j'étais étonné, Radio Caroline existe toujours, diffuse toujours, mais depuis la Terre, via Internet, et parfois, donc il y a aussi donc, Internet, le satellite, et donc, comme je disais tout à l'heure, parfois sur la fréquence, sur la bande AM, depuis son troisième et dernier bateau, le Ross Revenge. Et donc, ce bateau est à quai, à l'occasion d'émissions spéciales et de très courte durée. En fait, ces programmes sont annoncés à l'avance, mais c'est pas du H24. Voilà. Ah ouais, puis je pense, c'est une époque, les mecs, s'ils avaient 20 ans, ils en ont maintenant 73. Je veux dire, ça a été repris, c'est à terre, c'est machin. Je crois plus qu'ils se servent d'un nom et peut-être à porte-parole d'un esprit, mais ils n'auront plus le même esprit à notre époque. Je pense que c'est fait, plus possible. Ce qui devait être excitant, surtout vu qu'on est inondé de radio. C'est plus possible. J'aimais bien, moi je me souviens, et j'ai encore chez moi le poste de mon grand-père qui date de 1953, un poste à lampe qui fonctionne encore d'ailleurs, qui était dans l'atelier de menuiserie de mon père écoutait Radio Caroline sur ce poste. Oui, bien sûr, on a même charme. Non, parce que je pense que maintenant. C'est plus des souvenirs et. Mais même encore aujourd'hui, c'est plutôt le genre de station de radio, mais avec le recul du temps, j'aurais plaisir à écouter parce que, enfin, j'ai toujours aimé un petit peu. J'aime pas ce qui est tout ce qui est commercial, ça. Je trouve que ça avait son charme, écouter ça même au soir. Il faut pas dire ça, Flipkat. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est pas. Ne suis pas d'accord avec toi. Non, je ne suis pas d'accord, Flipkat. Très bien. Je pense que t'as pas compris ce que je veux dire. Débat. Mais j'ai si. Pas dit que. Non. Est-ce que t'es en train de dire oui? Moi, j'aime écouter la musique qui est pas commerciale. elle l'est pas quand elle passe à Radio Caroline. Et après, quelques mois après, quelques années après, elle devient commerciale ici en Europe. Ça, d'accord. Parce que ça a été aussi la force de Radio Caroline. Si, si. Radio Caroline était connue pour ça. Ils ont passé des... Voilà, il y avait des groupes. Mais je m'exprime. Alors, Inconnu au bataillon. Voilà. The Who, j'en passais des meilleurs. Ah, mais non, ça, tu as tout à fait raison. Et je prends un exemple parce que j'ai un ami qui adore tout ça et un jour m'a parlé de. Alors, ce groupe s'appelle. Je crois que c'est Rare Earth. Ça me parle pas, ça me dit rien. Ouais, Get Ready. C'est un titre qui dure 20 minutes et qui avait commencé sur Radio Caroline. Et c'est un titre on connaissait pas du tout. Et je crois que c'est 20 ans après, il est arrivé en France, il a fait un malheur. Mais il a fallu 20 ans pour qu'il revienne. Et donc, Caroline, c'est aussi des précurseurs de la musique anglophone et américaine, ça. C'est un esprit, c'est une époque, parce qu'il y avait des mecs qui allaient chercher. Aujourd'hui, quand tu vois le nombre, je te parle de millions de vidéos de gens partout dans le monde qui sont en train de filmer un gars dans le métro, en train de chanter, qui a une voix, mais tout le monde le voit tout de suite. C'est un Freddie Mercury, c'est... Mais il grandira pas, c'est plus comme ça que ça marche, ça n'est plus comme ça que ça marche et ça ne peut plus fonctionner. Ah bah, voilà. Je passe pas par les médias, même les artistes, même les artistes qui veulent des niches et n'importe quoi, on leur dit fais-toi une niche. On va te faire une idée commerciale que tu te fais une niche. C'est-à-dire, ils vont être castés par quelqu'un qui va essayer de le mettre comme si c'était une niche et qu'il était venu nulle part. Mais non, il va surtout être porté sur l'avant, sinon tu réussis pas. Je veux dire, quand tu vois les The Voice, les machins, les trucs qui sont faits, le monde de la formation est immédiat. On fait de la radio avant, les mecs étaient sur un bateau en train d'émettre en se disant tu crois qu'on peut passer, nous maintenant on parle de trucs etc, le tort avec un numéro de téléphone portable, moi on est en train de se parler là maintenant, on peut très bien filmer en direct sur Facebook sur des milliards quelque part de personnes, quelque part les gens peuvent nous voir, c'est fini. Mais Canon, on a un problème, toi, moi, Flipkat, Sherlock, je parlerai pas de Nissan, moi j'en ai plusieurs, mais Nero a un problème aussi et Joe a un problème, t'es français hein. Ouais, donc tu as un problème aussi, c'est qu'en France, on est carré, il y a plein d'artistes qui nous ont dit, voilà, en France, il y a quoi, il y a 10, 15 artistes, on ne laisse pas la porte ouverte aux autres, c'est, on veut du bankable, on veut du Obispo, on veut du Johnny Hallyday, on veut du Christophe Maé, j'en passe, et des meilleurs. C'est pour ça que je parlais de commercial, c'est-à-dire des... Voilà. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant les niches qu'on connaît déjà. C'est que maintenant, tu as le téléchargement illégal, qui fait que n'importe quel artiste qui voudrait se dire, je vais faire une œuvre, essayer de gagner un peu d'argent, parce qu'avant le support, c'était quoi? Toi, tu t'entendais en radio libre, et un jour, il trouvait un label qui lui gravait, des vinyles. Et après, on est passé même au CD, mais il y avait des labels multiples. Maintenant, de toute façon, on est sur du numérique. Donc, dès que l'enregistrement, quand il n'est pas piraté, y compris des gens comme Madonna ou n'importe quoi, n'ont plus le temps d'exister, parce que de toute façon, c'est piraté immédiatement, c'est remis sous forme moi, j'adore quand je vois à ma chère Fernande avec un gros cœur, et puis on a une grande chanson de Céline Dion qui est encore en CD, en train d'être vendue. Et tu sais, tu dis, même les grandes stars sont mortes, quoi. Mais pour eux, je pense, je peux peut-être partiellement, mais je vérifierai quand même, j'apporterai le complément d'information, à la fois pour la question que tu m'as posée tout à l'heure. Mais quelque part, quand tu disais, il dérangeait qui? Mais je pense que tout bêtement, il ramenait des cargaisons de vinyle, hein, c'était des 33 tours, de gens, encore une fois, qui n'étaient pas connus, qui allaient être connus ou pas. Mais je pense qu'il y avait tout simplement, comme dans tout pays, l'histoire des droits de ce qu'on paye, ce qu'on reverse quand on diffuse des titres. Ah, c'est comme pas ici. Idiot, Et je pense qu'il devait avoir une excitation chez eux, parce que sans savoir est-ce que ce sera ce soir la dernière émission, demain matin va se faire. Mais c'est prendre. Ça, je crois que ça a été une aventure formidable. Ça, c'est l'aventure qui les a fait bander. Par contre, ces mecs-là inconnus, les droits d'auteur, il n'y en avait pas. Quelque part, tu vois, ils bousculaient pas l'industrie du disque parce qu'ils produisaient des artistes que personne ne connaissait. Donc je pense pas non plus que ça vienne de là. C'est simplement qu'ils ont eu une belle époque. Mais moi, ça fait écho parce que dans le temps, quand j'étais à Milan, on avait Discos Match et lui, il vendait les disques pour ceux qui mixaient. Mais je t'assure que les jeunes, ceux qui mixaient, ils venaient là parce qu'ils réussissaient à avoir des albums que tu trouvais pas par ici. Mais le projet Disco King qui ramenait des imports formidables. Il se les arrachait, mais à prix d'or. Et c'était vraiment Et je pense qu'il y a cette notion-là aussi qui jouait là-dedans. Ah mais oui, mais certainement. Alors c'est un grand débat. Ouais. C'est un grand débat, évidemment. Il va falloir qu'on se fasse une petite coupure musicale parce qu'il va y avoir les sorties. Non, mais bien sûr. Mais par contre, Sherlock, fais-nous la suite. Flipkat, oui. Tu vas aller à l'info. Et ouais, pour la semaine plaisir. Prochaine. Tu prends le bateau. C'est ça. Non, mais la semaine prochaine, trouve-nous les infos un peu pourquoi, justement, effectivement. Ah, on va creuser, il y a des pourquoi trucs c'était en mer, pourquoi c'était pas à pourquoi terre. Ils embêtés, voilà, et qu'est-ce, ouais, qui s'est, qu'est-ce qui dérangeait. Qu'est-ce qui dérangeait. Ça, ce serait sympa que tu nous fasses une chronique sur Caroline II et Véronica. Aussi. Radio Véronica, oui. Hein. Radio Véronica. Radio Amigo qu'il... aussi, puisque. Ouais, voilà, absolument. Amigo, ouais, qui parlait en flamand, mais qui diffusait toujours les titres. Bien sûr, bien sûr. Ouais, voilà. Et j'ai connu ça, Radio si, Amigo. Ouais. Bon, mmh. Eh ben, on a à nous quelqu'un qui est hors bord. Qui est au large, il est vraiment au large. Il est mais au large. Il est très très loin, il est du côté de. De du Touquet. Du Touquet. Ouais, tu, parce que t'as voté pour Macron, donc d'accord. Du côté du Touquet, toi. Non, non, donc on va continuer un petit peu avec la radio, avec les Buggles et Video Kill the Radio Star. Ah ouais, bien. Et ensuite, on reviendra avec Donna Summer et On the Radio. Ah, d'ailleurs, ça en parle. La vidéo tue les, ouais, bah oui, voilà. Tue les stars. Allez, ça va. Back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Out of a hole in your brown overcoat. never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too if by chance you heard it for yourself. I never told the soldiers how I. Chewbacca, laisse la princesse Léa. Bah ouais, tu peux la laisser, parce que là où elle est... Attends, j'ai dit laisser. Tu te l'es coincé. Non, ça c'est la princesse Léa. J'ai l'impression d'être à Péridasia avec le panda qui est en rut. Ouais. Refais-le. Bah si tu veux, on le fera à deux, je vais te montrer ce que c'est un panda en rut. Alors, est-ce que tu vas nous donner envie d'aller au cinéma? Je ne pense pas. Ah bah, ouais. On va laisser tomber pas de la musique. Non, non, mais le truc, c'est que alors toutes les semaines, j'essaye de tirer la substantifique moelle Le cinéma. Toi, t'as vu le cercle des poètes disparus. Ouais, le Sherlock des poètes disparus. Et lève-toi, fais-nous ta chronique debout sur la table. Ah oui, ouais, vas-y, allez. Non, mais le plafond est... Non, non, c'est surtout que c'est pas stabilisé. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, non, sérieux, tu vas le faire, si. Non, attends, si, on va le faire. Si, on va le faire, si. Il n'y a pas de photo. Ah ouais, faut filmer aussi. Et si ça pète, les mecs, si ça pète. Attends. Non, mais je peux pas. Debout. Je peux pas, regarde, t'as vu le plafond. Regarde, tu peux y aller. Non, le plafond. Attends. Voilà. Donc je monte sur la table. Oh, mon capitaine. Oh, capitaine. Dommage qu'on n'ait pas la vidéo là parce que ça aurait été super. On va la voir dans 10 secondes. Ah ouais, ouais, vas-y, allez, vas-y. Allez, attends, allez, refais-le. Re-remonte sur la table. Et normalement, il doit le baisser son pantalon. Alors en français, re-remonter, ça veut dire c'est monter à nouveau. Ouais, ouais. C'est ça. Alors attention. Attention ta tête. C'est Rico qui va être content. Je te disais que le plafond était bas. Oh, capitaine, mon capitaine. Donc voilà, je vais vous faire la. Les tout ça en direct sur Facebook. Ouais, ça fait super mal aux genoux. T'es en direct sur Facebook. Non, reste debout, t'es jusqu'au bout. Hein. Non, non, mais là je vais rester debout. Mais... Sherlock, t'es en direct sur Facebook, sur mon Facebook, donc t'es revu par 1200 personnes. Ok, donc bonjour tout le monde. Je vais essayer de vous donner envie d'aller au cinéma, ce qui n'est pas gagné cette semaine. Donc semaine du 24 mai, ça va sortir donc demain en Belgique et en France. Et je vais commencer avec la Belgique, avec le film Rodin. C'est un film de Jacques Doyon, ça sort également en France demain. C'est avec Vincent Lindon, Izia Higelin et Séverine Canel. Donc le film suit la vie d'Auguste Rodin, de sa première commande de l'État, donc qui était la porte de l'enfer. Ah bon ? Oui, à ses amours avec Camille Claudel et ses différentes sculptures qui furent remarquées par la suite. D'accord. Ouais, mais ça a l'air pas mal parce que moi j'ai vu la bande-annonce. Ouais, ben après, moi j'ai pas vraiment accroché. Donc, c'est un peu biopic ce. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est un biopic. Ensuite sort le film. Putain, tu vas rapide là. Bah ouais, parce que j'ai pas trop accroché, donc je me dis qu'est-ce que je peux en dire. Voilà. Ensuite sort donc le film Problemos avec Éric Judor. C'est également un film d'Éric Judor. Donc Éric et Ramzy. Avec Blanche Gardin et Youssef Hadji. C'est sorti en France le 10 mai. Et donc c'est Jeanne et Victor qui sont deux Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Donc c'est des gens je sais plus comment on appelle ça. Enfin un petit peu comme les gens qui veulent pas de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Ouais, voilà, c'est ça. Ça s'appelle des riverains, ça. c'est pas des gens du voyage, c'est des riverains. Ils voudraient pas. C'est des dans leur qui genre. Pas envie d'être. Ouais, c'est faire merder le dimanche quand t'as travaillé à Paris et que tu veux poser un petit peu ton cul, t'aimerais bien avoir un Airbus A320 qui te passe pas sur la gueule. Alors donc le groupe lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région. Non, ce n'est pas Onissa, c'est une prairie. Bravo. Alors là, il a fait bravo. Merci. Bravo. La chance que c'est ton anniversaire. Tu connais Jean-Jacques Péroni? Je vais t'appeler Jean-Jacques Péroni. Le même genre de blague sur RTL. C'est la seule chamelle des zones humides. Et t'as pas honte de parler comme ça, Mais t'as entendu ce que vous dites depuis tout à l'heure? Mais on n'a jamais dit qu'elle mouillait. On a dit qu'on... Mais moi non plus. On a dit qu'elle blatterait. Et qu'on aimerait être un micro. Voilà, que c'était une cochonne. On a juste dit que c'est ça. Donc, ils acceptent l'invitation qui leur est faite de rester quelques jours lorsqu'un beau matin, la barrière de CRS qui leur fait face a disparu. Tintin. Ah, il y a Tintin. Ouais. La communauté La communauté pense l'avoir emporté sur le monde moderne, mais le plaisir est de courte durée. À l'exception de leur campement, la population terrestre a été décimée par une terrible pandémie. Ce qui fait du groupe les derniers survivants du monde. Va-t-il falloir se trouver de nouveaux ennemis pour survivre? Mais où est-ce qu'il va chercher? Mais c'est une comédie, je sais pas. C'est qui Demi? Oh là là, mais non, alors, je suis sérieux. Mais c'est chaud patate, quoi. Enfin, bah ouais, mais c'est Éric Judor. Moi, j'aime bien quand il est avec Ramzy, qui sont sur scène et qui font des sketchs. Ouais. J'aime beaucoup moins quand ils font des films. Tu verras, dans 20 ans, quand on dira, bon voilà, c'est un film de 2017, il a fait 200 000 entrées, machin, ça va être ça. Bah oui, c'est ça. Ouais. Alors donc, maintenant je passe aux sorties France avec le film L'âme en double. Oui. De Marine. Alors je sais pas comment ça se prononce. Alors L'âme en double. Non, L'âme en double. L'âme en double. Avec Jérémy Régnier qui faisait notamment Claude François dans le film de Clo-Clo. Un mec qui était vachement courant. Non. Il s'est pris un peu pour lumière. Ah, il s'est pris pour lumière. Ça me rassure quelque part. Il était branché, ce mec. Alors, quoi. Oh non, pitié. C'est pas possible. Tu les as tous contaminés. Je pense. Quelque part, je suis content. Et donc, avec Jacqueline Bisset également. C'est un film de François Ozon. Ça sort en Belgique le 16 juin. Et donc, c'est Chloé qui est une jeune femme fragile qui tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité. Ah, ça n'a rien dire. Voilà, donc un petit thriller psychologique à la française. On n'est pas super bon là-dedans, donc je sais pas à quoi m'attendre avec ça. Et j'ai gardé, on va dire, le meilleur pour la fin. Pirates des Caraïbes. Vengeance de Salazar. Je viens d'avoir un texto de gens qui viennent de sortir de la séance il y a 3 minutes et qui me disaient c'était franchement super, c'est un super film. Voilà. Il a des bonnes critiques. Donc c'est toujours avec Johnny Depp. Ouais. Toujours avec Orlando Bloom. Oui. Et également là avec Javier Bardem. Ah, j'adore. C'est il ou c'est elle? C'est plus sur un bateau. C'est il. Si, si, c'est encore sur un bateau. C'est Orlando Bloom alors. Donc c'est un film de Espen Sandberg, ça sort également en Belgique demain. Donc c'est Jack Sparrow et ses compagnons qui se lancent dans la quête du trident de Poséidon, sur lequel le capitaine Tig détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire qui donne tous les pouvoirs sur les océans. Cet artefact, c'est beau, c'est beau, un artefact. Un artefact, c'est un objet magique. Mais dispose... moi qui suis nul. En fait, ça ressemble à rien, ça prend la forme 2. Mais enfin, là, si, un artefact, c'est par exemple la coupe dans laquelle le Messie a bu son. Le Graal. Les larmes de sang d'une vierge machin que tu prends qui te donne l'immortalité à jamais. La coupe du Graal, c'est des artefacts. Le Graal, mais qui n'est pas ce qu'on pense en fait, qui serait tout simplement une coupe. Il était charpentier. Dans Indiana Jones, ils en parlent notamment. Donc cet artefact légendaire qui donne tous les pouvoirs sur les océans est le seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable capitaine Salazar, échapper du triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans. Oh là là là. Wow. Donc encore une aventure épique. La bande-annonce est excellente. Oui, mais le film apparemment est vraiment bien aussi. Des bons échos. Ils ont mis quand même du temps pour le sortir, hein, ce numéro 5, donc je suppose qu'ils ont quand même fait du bon boulot. Chamel tiré par quoi? Je vais pas aller au cinéma, merci. Je vais garder mon humidité pour moi. Canon. Moi, ma femme est en train de me dire que c'était super bien, mais j'étais pas là, donc c'est normal. Voilà. Qu'elle a hâte que je rentre, que je quitte tous ces cons et viens me rejoindre plutôt que te faire chier dans cette émission, etc. Pirates des Caraïbes, c'est quelque chose de super. C'est vrai? Ouais, non, elle me dit que c'est vraiment. Et j'avais envie de le voir. Je lui en veux terriblement. Franchement, j'hésite. Le Pirate des Caraïbes. Peut-être si j'étais que mon gamin. C'est sympa avec le. Oui. Véro. Je ne regarderais pas de la même manière. Voilà, c'est ça. Ce serait le Pirate des Caraïbes. D'accord. J'aime bien Johnny Depp. Oui, c'est ça, c'est pour les acteurs. Depuis qu'il est célibataire. Évidemment. Il a pas la grosse tête comme acteur. Franchement, il fait assez régulièrement des passages dans des hôpitaux, des choses comme ça. Vraiment à l'improviste, il se fait maquiller un peu avant en Pirates des Caraïbes, justement en Jack Sparrow. Et il arrive dans un hôpital sans avoir prévenu personne. C'est un peu comme Flip 4 qui se déguise en clown pour aller dans les hôpitaux. Non, il reste naturel, lui. Pour aller dans les hôpitaux, c'est pas toi qui se déguise en clown Je serais capable de le faire. Non, il se déguise pas, il reste comme ça. Ouais, il reste naturel, c'est ce que je disais tantôt. La dernière photo que j'ai de Flip 4, c'est en jupe. Ouais, je le fais. Mais l'année prochaine, je monte sur le podium avec les pin-up et je l'ai dit, je le ferai. Et encore, vous n'avez pas vu les photos de ce week-end, si elles sortent. Bon, moi, je sais pas ce que j'irai voir. J'irai peut-être voir le truc avec le Similifax, là. Je vous connais. Similifax. Le Similifax. Mais c'est pas pareil que le Simili-cuir. Hein, c'est pas du latex, ça, non plus. C'est-à-dire, ça ressemble à du cuir, mais ça n'en est pas. Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. J'avoue que j'ai vu la bande-annonce, et honnêtement. Ça donne envie. Ouais, j'ai trouvé que c'était pas mal fait, mais après, en même temps, une bande-annonce, ça dure 2 minutes. Donc, après, il y a quand même un esprit. Moi, je viens de me taper les 4 Pirates des Caraïbes les derniers récemment. Non, Salopard. Il y a celle qui boit, il y a celle qui. Et donc, t'inquiète pas, j'ai la santé, toujours, mieux en mieux. Et en fait, il paraît que celui-là est très, très, très, très bien. Un ami l'avait vu, il m'a dit c'est super, alors il vient de me dire c'est exceptionnel, et c'est des gens. Qui est passionné, là, les personnes qui m'écrivent, passionné par ça et qui n'auraient pas aimé que ça ne suive pas. Comme moi quand je vois un Star Wars. Oui, ouais. Il y en a un où je n'ai pas aimé du tout. D'ailleurs, en parlant de. Il ne nous a pas dit ce qu'il avait fait pour son anniversaire ? Ah oui, tiens, dis donc. Oui. Alors, le Minoy, c'est comment? C'est Minoy. Alors, le Minoy, c'était bien ou pas? Eh ben, c'est mieux sans sa femme, c'est vrai. Est-ce que t'as mis ton caleçon Homer ou pas? Oh, pas du tout. Non, hein? Il a mis le sage, il l'appelle Homer. J'ai pas de caleçon Homer. Non, alors. Et quand il jette qui colle au plafond, j'ai passé une bonne soirée. Voilà, pour mon anniversaire, je me suis offert un petit plaisir, c'est que je suis allé au Geek Days à Lille. Les Geek Days, en fait, c'est un salon qui s'est tenu donc au à Lille, au centre, au Grand Palais, voilà, à Lille. Bon, l'entrée était de 10 €, donc c'est pas cher quoi, comparé à un salon. Des toilettes gratuites. Toilettes gratuites. Non, mais je dis ça parce que tu 10 € machin. Ouais, non, mais il y avait d'autres trucs payants quand même, ouais. Mais bon. Mais je trouve que l'entrée était quand même à un prix démocratique. Un prix démocratique, voilà. Oui, ça fait une donc en fait, le Geek Day, c'est pour tous ceux qui aiment les mangas, les jeux vidéo, les films comme Star Wars, Star Trek, les séries, parce qu'il y a tous des aficionados de séries, notamment Doctor Who, il y a tout ce qui est Prison Break. On dit Doctor House. Non, tu sais que tu viens de dire 10 mots, Harry, te regarde de quoi il parle. Non, mais moi je te suis avec attention. Et regarde-moi pendant que tu me parles, t'auras un mec attentif. Change. Quand mais, tu parles 80, tu regardes Harry. C'est également sur les anciennes séries comme K2000. Ah oui, Supercopter ou les choses comme ça. Et t'es monté dans la K2000 ? Non, je suis pas monté dedans, mais j'ai pris des photos de K2000, j'ai pris des photos de la DeLorean. Ah parce que oui, il y avait la DeLorean qui était là également. Mais pas la vraie. Non, c'était pas la vraie. Ah, il y avait pas tout ça. K2000, c'était. Ouais. Ah merde, moi, j'ai pas vu tout ça. Je savais que c'était un salon geek et ça me plaisait, j'y suis pas allé. Mais j'y serais allé. Et après, t'as fait une autre photo ? J'y serais allé. Oui, et puis j'ai fait une photo avec R2D2. Ah ouais. Parce qu'il y a des mecs là-bas qui ont une entreprise et qui refont des R2D2 grandeur nature, donc télécommandés. C'est bluffant. Ouais. Aux États-Unis à Miami, hein, le R2D2 qui se pointe, il fait que ça comme fonction. Tu l'appelles, et en fait, c'est un bar. Il fait que ça. C'est un bar qui se déplace, donc il fait 3 mètres vers toi, et en fait, la tête se soulève, et t'as toutes les bouteilles. Il ferme, t'entends le, il se remet. C'est excellent. Ah, j'ai pas vu ça. C'est génial, excellent. Franchement. Et là, la tête tourne. Enfin, lui, il peut tourner sur lui-même. Il y a les lumières qui clignotent. Ici, cochon. Tout ça. Oh là là. T'as des photos? Ouais, j'ai des photos. On va les faire partager à 80 heures. Ouais, bien sûr. Je vais en mettre. Elle tourne, elle va devant, d'avant en arrière. t'as tiré Russell Ferrino après. Mais effectivement, je me suis fait très plaisir. J'ai également vu des youtubeurs. Alors. Je suis sûr que ça va pas vous parler, mais j'ai vu notamment le chef Otaku. Si, moi, qui, ça me parle. Alors, le chef Otaku, c'est un youtubeur qui est spécialisé notamment dans Dragon Ball Z. Dragon Ball Z qui a quand même commencé dans les années 80. Hein. Ah oui, Dragon Ball c'était 85, Dragon Ball Z 89. Ouais. Donc, lui, il est fan de ça. Je suis également fan de Dragon Ball Z. Là, il y a une nouvelle série qui sort encore, oui. Parce que ça continue. Dragon Ball Super. Je l'ai vu avant-hier. Ah bah voilà. J'étais en train de parler. Enfin, quelque part, ça reprend la bonne recette. Hein, mais... Oui, bah ouais. Là, c'est une série qui est dans l'esprit Dragon Ball Z, parce qu'il y a eu une série entre deux qui était Dragon Ball GT, qui a été décriée par les fans et qui n'a pas été du tout aimée par rapport à ce qu'ils en ont fait. Et là, apparemment, ils sont revenus dans la même veine que dans les années 80-90. Et les fans repartent à fond là-dedans. Quoi. Mais t'as vu Juliette ? Juliette ? Juliette, je t'aime. Tu l'as pas vu ? Il y avait des coffrets. Parce que forcément, alors. Juliette, je t'aime. Il y a des grandes enseignes. Rappelez Juliette, je t'aime quand même. Non, pas du tout. Il y avait des coffrets. Si. Harry, je t'aime pas, par contre. vous rappelez de Juliette, je t'aime quand même. Bien sûr. Bah oui, évidemment. Bah non, bien sûr. Oh, si. Attends, je vais essayer de te retrouver ça. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. À la pension des mimosas. Ah si, j'adorais ça. Juliette, si. Je t'aime. Tu l'as, sérieux? Tu l'as, la musique? Mais oui, écoute. Ah, vas-y. Ah, j'adore. Vas-y. Balance ça. Pension des mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Mais elle est arrivée un jour, et d'un seul coup l'amour est venu enchanter tout ce qui l'habitait. J'étais un peu deg parce qu'à la fin, elle se marie, elle a un enfant, donc ça m'a un peu déçu. Voilà. Mais, Il vient de spoiler la fin du. Ah ouais. Bon, oui, ça m'a plus. Je sais pas. Ah non, non, c'est vrai, je... Peut-être sur des chaînes comme Manga ou des choses comme ouais, ça. Ouais, IDF1. Bon, par contre, peut-être, ouais, peut-être. En petit aparté, si t'arrives à trouver. Vous connaissez la chanson Petit Poney? Ah non. Non, attention, parce qu'il y a des connotations dans Petit Poney. Non, mais oui, d'accord, mais justement, oui, on me l'a fait, on me l'a fait passer récemment. Pour une... Ah non, Los, non, je n'étais pas dans cet esprit-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, parler. C'est pas la même. Non, tu parles du dessin animé. Petit Poney. Non, non, c'est une chanson qui est sur Internet pour les gamins. Non, pas de. Ah non, je pensais que tu parlais de celle-là, moi. Attends. Non, c'est pas ça. Non, c'est Petit Poney, c'est une chanson complètement. C'est la, je crois que c'est la plus ragarde, la plus gentillette, la plus con, la plus monstrueuse que j'ai jamais entendue. Un peu comme You Raise Me Up. Pire. C'est, l'occasion, c'est Petit Poney, c'est, je vous la ferai écouter, c'est un grand moment d'anthologie. Eh ben, d'accord. Tu nous prépares une chronique la semaine prochaine. Ah non, non, non, non. Vas-y, vas-y, débrouille. Ah, mais alors, t'assumes. Bon, je reviens un petit peu sur le truc, il y avait également du cosplay, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, le cosplay en fait c'est des gens qui se déguisent, mais alors qui font vraiment le truc à fond, c'est que, c'est-à-dire il y a un gars qui était en gros en armure, mais le gars mesurait enfin, un peu comme toi et moi, 1m80-85 dans son armure. Tu surestimes un peu quand même. Dans son armure, il faisait au moins 2m50. Ah ouais. Parce qu'il devait avoir il y avait des échasses en dessous. Oui, oui. Son armure, en fait, il avait des bras comme ça. Les mecs, enfin, ouais. Quand je dis comme ça, c'est 40-50 cm de large. La quoi. Dimension, parce que là, tu montres 1 mètre. Donc, 40 à 50 cm à peu près de largeur de bras. Et le mec a tout fait lui-même. Ouais, c'est fans, impressionnant, hein, ils sont vraiment fans. Il dépense jusqu'à 14 000 euros. J'ai fait un shooting que j'ai pas pu montrer, aucune photo. Ouais. Et c'est à Lille, du championnat lillois de cosplay avec des trucs internationaux. 14 000 euros certains costumes. Oh, Assassin's Creed, machin, en soie naturelle, en machin, mais c'est impressionnant. Le mec fait une chorégraphie, il prend 2 mètres d'élan, il fait un salto qu'il a travaillé, style. C'est, c'est promis, l'année prochaine, on fait partie, Canon et moi, du salon. Et on va faire un comment tu disais, un cosplay. Un cosplay. Un cosplay. Et on fait Adam c'est et Eve. C'est costume player. On fait Adam et Eve. Adam et Eve. Ça va nous coûter une trentaine d'euros. Mais qui c'est qui va faire Eve? C'est ça surtout. Bah, alors le cosplay à la base, en fait, c'est basé sur des mangas, des séries ou des choses comme ça. Ouais. Comme par exemple, tu peux te déguiser en Marty McFly ou en Doc Brown. Ils sont pas beaux, hein. J'ai vu des photos. Non, oui, effectivement. Montré, mais bon, après, tout, on n'a pas demandé à ce que ce soit des sosies, mais qu'ils soient habillés comme ça. D'accord. Mais il y avait également un Sangoku de Dragon Ball Z qui était là. Il était habillé, donc il avait même la perruque et tout, les cheveux. Ah, c'est ah ouais, donc, top, mais ça. Franchement, il y avait vraiment des trucs très bien. Tu vois le cinquième élément, la femme en bleu avec les pieuvres, et etc. Oui, je tombe en face par elle. Elle faisait 2m40 et tout ça. Elle était vraiment, elle se déplaçait avec les trucs, mais les trucs bleus. Et le costume, il y en a pour 4-5 000 euros. Latex intégré. Est-ce que tu sais qui est la diva? Bah, c'est une chanteuse russe. C'est la femme de Luc Besson. Ouais. Est-ce que vous savez de Luc Besson, hein. Est-ce que vous savez qu'une femme chante ça? Mais c'est pas elle. Écoute-moi. Est-ce que vous savez qu'une une chanteuse russe est capable de chanter ça parce qu'elle a des cordes diatoniques, justement, et t'entends, elle part en truc là, et à un moment, elle te fait la totale. Parce, vous voyez ça sur YouTube, Besson t'es ce que tu veux. Chante, elle arrive sur scène, elle prend le micro et tu dis, ouais, mais c'est. Non, il n'y a pas de trucage, ouais, mais tu dis comment. Le truc comme ça. Elle te le fait intégralement. Parce qu'elle a deux cordes vocales. Elle pousse son air à droite ou à gauche, donc elle rattrape une balance. Balance pour le lien qu'on voit ça, parce qu'évidemment. Ah si, mais j'ai vu, moi. Ah bah tiens, on va faire un tour de table avant qu'on se quitte, mais bah, justement, Flipkat. Oui. T'as aimé, franchement, les dessins animés des années 80, 90. On n'est pas dans dessins animés des années 80, on ou des séries peut-être. Ou des séries. Des séries peut-être. Si on te demandait. Ouais. Aujourd'hui, de venir faire un salon et te déguiser en l'un des personnages que tu préfères, tu serais déguisé en quoi? On en a encore parlé, encore la fin d'année, peut-être pas là aujourd'hui, mais je me souviens, peut-être dans le genre Star Trooper, tout ça, moi à l'époque des Galactica et Star Wars, les personnages me. Ouais, le mec avec le casque et on ne voit pas quoi. Tu me demandes, je te réponds. Ah oui, non, bah, super, mais pas autre chose, non? Genre Anakin. Ah, ou en Fonzie, Fonzie dans Happy Days. Ah, si tu veux pas, ouais, c'est celui-là. Oh non, non, elle ressemble pas à Fonzie dans Happy Days. Oh non. Non, mais c'est un peu le style. Ah, non. C'était plus 60 en fait. Et si c'est les années 60, ce serait quoi? Alfalfa des petites canailles avec la petite mèche comme ça qui. Ce serait quoi? Années 60, ce serait quoi? On sait rien. Honnêtement, non. Là, je. Sérieux? Saturna. Ou alors un personnage qui m'a marqué. Alors, est-ce que c'est. Ouais, si. Et encore une fois, tu vas me dire, je suis désolé, pas le Freddy Krueger. Ah oui. Ah ouais, mais là, il y a du boulot, hein. Ah bah j'ai oui, mais tu me demandes. Oh, patron, pas trop, je trouve. Patron. Hein. Après, ça peut s'arranger. Bah, j'ai un zippo, là, j'ai un zippo dans le... Il y a sans plus cette édite qu'à Krueger. Bah, mais Freddy, Freddy. Ah ouais, Freddy, pour toi, c'est un personnage qui t'a marqué, Freddy Krueger. J'aimais assez bien ce côté un petit peu... Sombre. Ouais, pas démoniaque, on va dire, mais... Wow. Ouais. Ah non. C'était déjà une époque pourtant où je décrochais, je le disais, des films d'horreur avec les Evil Dead, où j'en avais nadi une overdose avec mon père, avec les locations de cassettes VHS quand j'en ai Mais la série des ouais, les Caves du Cauchemar, les Caves de la Nuit, tout ça, avec Freddy Krueger, ouais, je me... Bah, Johnny Depp a joué dans le premier. Absolument, il s'est bouffé par le livre de la nuit. Ouais. Pour répondre à ta question, ouais, c'est peut-être ce personnage-là pour sortir des. Ah, mais ouais, les personnages Krueger, de Star Wars, j'aimais. Et bah, tu sais quoi, il faudrait qu'on se fasse un truc, c'est que du coup, on se fasse chacun se déguise et on va le faire. Hein. Lui, c'est le patron. Ah, ça arrive chaud ce soir ou quoi? Non, non, mais ce serait sympa. Freddy Krueger, c'est pas compliqué, on lui crame la gueule et c'est bon. Quel numéro? Canon, ce serait quoi? Calimero. Non, dis pas de conneries. Bah non, bah, déguisé en quoi? Non, le personnage en quel tu aimerais te représenter. Oh, bonne question. Je suis moi-même. Un petit Captain America, moi, je le sens bien. Ouais, non, tu m'as dit, non, bon, c'est pas mon truc, non, non, moi, c'est, je sais pas, un personnage dans lequel j'aimerais bien porter... Ça, c'est Calimero. Sincèrement, je n'en sais rien du tout. Je me suis jamais posé la question de savoir qui j'incarnerais. Je m'incarne moi-même déjà. C'est déjà compliqué. Pas moi non plus, je vois vraiment. À part mais Joséphine dans l'ange gardien. Mais ça, c'est tous les jours. Ouais. Rien. Pas vous n'avez pas d'imagination. Si, ah non, c'est rien à voir. C'est ah non, en c'est pas moi, ce serait Superman. Honnêtement, ce serait Superman. Bah, tu l'as déjà fait, hein, j'ai les vidéos. Ouais, j'ai déjà fait Superman, mais Superman, moi j'adorerais. Et Superman, c'est raté, hein. Alors, quand t'es tombé de la chaise et que t'as voulu voler. J'ai la vidéo. Je suis sourd de l'oreille gauche. Je vais vous montrer après la vidéo. Je vais avoir un message. Quelqu'un qui vient de me suggérer une idée de déguisement. Qui vient de me suggérer. Ah, j'ai bien articulé. Me déguiser en Gremlins. Bah oui, surtout le mouillez pas, surtout le mouillez pas. Mais c'est vrai, mon gars, il y a une photo là, mais c'est terrible, on dirait lui. Tiens, Val, si tu m'écoutes, trouve une idée pour moi. Responsable de la photo. Il sort pas de conneries. Sherlock. Bah écoute, peut-être un personnage de Dragon Ball Z, vu que c'était mon dessin animé préféré. Moi, je te vois dans Marty McFly. Ah ouais. Tu coupes un peu tes cheveux à l'arrière, tac tac, tu t'habilles ou si. T'as les foins, McFly. T'enlèves ta barbe. Ouais. En fait, bah, tu changes tout. Bah, en fait, tu fais un physique de Brad Pitt. Un petit type au succion. Et oh, oh, c'est dégueulasse. Oh là là. Une grosse. Ah, c'est vrai. Oh non. Mais ça, c'est pas de toi. Et alors, il va falloir que tu te mettes à la guitare. Oh, ouais, bon, ça. Est-ce ça que tu sais jouer avec des moufles déjà? Avec des moufles, non. Sa femme, si. Sa femme, si. Les gars, on a passé une très très bonne soirée. Ouais. C'était chouette. Voilà. Les gars, on va se quitter là-dessus. Les gars, et ben, on va faire un tour de table et on va demander le dernier mot de chacun. Flip 4, ton dernier mot pour ce soir. Ton dernier mot, Gérard Pierre. Bah, c'était trop court. Ah bah c'est comme d'habitude. Non, ça c'est ce que les frères te demander ce que tes femmes te disent. Toi la fermière, tu vas en prendre plein ton bras la prochaine fois. On parle de toi, d'ailleurs, pas de tes femmes. Il y a un dicton pour qui dit se faire rosser, c'est pas possible. Ah ouais. Donc bah je t'écoute. Tu veux le oui, je sais pas dire le dernier mot, mais la dernière phrase. Je te le montre. Il y a un proverbe qui dit ne faites pas autrui ce que vous ne feriez pas au cochon. C'est vrai. Là, pour rester dans le. Dans le. J'ai compris. Ah, c'est bon, voilà. Zaoté, c'est gentil, hein. Hein bah, Avelant-toi, oui. C'est sympa. Franchement, sympa. pour qu'elle pour ouais, tais-toi. Calonne, dernier mot. Alors je crains le pire, alors attention. Non, dernier, je sais pas, garder de l'humour puisque Roger est mort. Oh, beau, ah là, il a plombé l'ambiance. Là. Ah non, c'est vrai. J'ai trouvé ça sympa. Belle, ouais. Ouais, non, et c'est on peut vrai. Peut-être terminer sur une musique de Roger Moore. Et peut-être sur Onissa aussi, lui dire. J'adorerais. Est-ce que tu as amicalement ou pas la musique? Non, ah oui, bon. J'ai la musique. Ouais. Bon, tu la prépares, on va on terminer. On pourrait terminer sur Onissa. S'il vous plaît. Dernier mot. S'il vous plaît, elle a dit. On va finir. Allez, s'il vous plaît. On va finir l'émission sur Onissa. On dit ça, dernier mot. Je vous aime tous. Ouais, mais ça. Non, mais on n'a pas dit un truc consensuel. Non, mais je parle pas de vous, hein. Je parle des auditeurs. Ah, parce que tu crois qu'il y a des gens qui écoutent. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Des textos ouais, qu'on t'envoie, c'est des faux. Ah, si, si, si. Ah, si, j'ai reçu des messages cette semaine en disant mais c'est qui cette femme? Elle a une super belle voix. C'est vrai, je te promets que c'est vrai en plus. C'est dommage que le physique. Un rire de Chamel. Belle voix. J'ai dit, tu l'as pas encore vue. Ouais, c'est comme vrai. Quoi ça non, on m'a demandé aussi. Sa voix super, tu peux envoyer une photo et elle fait ah, je continue à l'écouter alors. Ah, mais j'assume, moi, ça me dérange pas du tout. Non, t'as une super belle voix, honnêtement. Merci. Et on est content de t'avoir dans notre équipe depuis. Ouais, tout compte fait, ouais. Ah, ouais, mais moi je vous adore. Ah, bah nous aussi. Oui, je vois. On dit qu'il est bien châti bien. Hein. Oui, toi, tu manges toutes les un semaines. Peu moins, s'il vous plaît. On adore se fondre en toi. Et alors, mais non, mais moi je suis content parce que depuis que t'es arrivé, je m'en prends moins plein la gueule quand même. Ah ouais, ouais. C'est ouais. Ça, c'est moi le cul. C'est vrai. Pas beaucoup. Non, mais ça, non, ça par contre, j'en avais ras le cul. Dernier mot et la fin. Bah écoute, Attends, il va la refaire. Dernier quoi? Dernier pot. Dernier mot de la fin. Dernier mot de la fin, allez. Non, bah écoute, je sais pas. Dernier mot. Portez-vous bien, vivez l'instant présent pour rester encore dans le cercle des poètes disparus. Et, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Toi, on finit vraiment l'émission d'une ouais. manière sûre. Bah, moi, je terminerai beau, par qui s'y frotte, s'y pique. Allez hop. Ouais, c'est oh, bien. Ça, c'est juste une question d'espoir. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Si c'est pile, il ne pique pas. Il va y avoir quelques artistes qu'on va recevoir. On y travaille pour les prochaines émissions. Qu'est-ce qu'il y a, elle me fait des gestes obscènes. Elle est en train de me regarder des limites. Non, je pensais que c'était déjà le rendez-vous avec Stéphane. Bah oui, c'est Stéphane. Non, c'est pas Stéphane. On est le 30 la semaine prochaine. Non, c'est la semaine d'après. Ouais. Ah ouais. C'est pour ça que je t'ai pu gratter. Non, mais arrête de me regarder en faisant. C'est équivoque, hein. C'est équivoque. T'as dit qu'il s'y frotte, s'y pique. Bon allez, on va arrêter. Allez, allez. On se quitte là-dessus. On avec amicalement vôtre. Et bah ouais, absolument. Ah, joli. Ouais. Hommage donc à Roger Moore et nous on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Dans merci à tous. Et avec votre fermière préférée. Oh yeah. Absolument. Et puis. Pardon. Ouais, mais tu cherches. Bah non, je réponds à Flipkat. Mais c'est rare pour un chameau d'humanitaire cochon. Ouais. C'est être pluridisciplinaire. Allez, passez une bonne soirée, merci à tous. Allez, ciao. On vous aime, mais pas trop.